votre loyer dès 6h20. Vous avez juste à vous inscrire à loyer, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Dans une demi-heure, 6h30, vous allez retrouver tous nos journalistes partout en France pour l'info qui vous intéresse. L'info près de chez vous comme Julie à Marseille, Maxime à Lyon, Elisa à Strasbourg, Romuald à Lille. Et juste avant à 6h... Parce que c'est le neveu du patron, c'est lui qui fait les infos en tout premier. Les infos de 6h à 5h57, c'est avec Tristan Sarah. Bonjour Tristan. Salut Robin, bonjour. Bonjour à tous. Une belle journée pour débuter la semaine. Ce sera un ciel assez dégagé ce lundi sur l'ensemble du pays. À peine quelques nuages sur la pointe bretonne et le Cotentin. De belles éclaircies partout ailleurs. 20 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon, 24 à Marseille et à Ajaccio. Retour au calme au centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme. Les détenus ont regagné leur cellule peu après 22h avec l'arrivée sur place des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Des prisonniers avaient volé un peu plus tôt des clés à un gardien et tenté de mettre le feu à des matelas. D'importants dégâts sur deux étages. La moitié de la ville de Salon-de-Provence plongée dans le noir hier soir en cause la présence de deux adolescents d'une quinzaine d'années hissés sur un pylône électrique. Les autorités ont été obligées de couper l'alimentation pour éviter le pire. L'un des deux jeunes a toutefois dû être hospitalisé. À propos d'hôpital, les consultations devraient être au ralenti ce lundi. Les médecins hospitaliers sont appelés à faire grève pour de meilleurs salaires et le respect de leurs heures de travail. Une grève massive pour aujourd'hui, pour également tous les soirs de la semaine, avant une autre action déjà prévue pour le 12 octobre. 5 jours après Nicolas Sarkozy, François Hollande se rend aujourd'hui à Calais. Le chef de l'État va y rencontrer les forces de l'ordre, les élus locaux et les présidents d'associations. Un déplacement de quelques heures sur le thème des migrants, avec en toile de fond la jungle de Calais. La mort d'un Français hier en Suisse, il a péri noyé dans le lac de Neuchâtel après avoir dérobé un canoë-kayak avec deux autres camarades. L'un d'eux a pu regagner la rive, un autre a dû être secouru et un troisième a été retrouvé mort en fin de matinée. Les Suisses qui ont dit oui à la surveillance électronique, 65% des électeurs ont voté hier en faveur d'une loi autorisant les services secrets à surveiller leurs échanges et leurs activités sur Internet. Objectif, tout mettre en œuvre pour déjouer la menace terroriste. C'est le grand jour pour les candidats à la présidentielle américaine. Hillary Clinton, 68 ans, face à Donald Trump, 70 ans. Les deux candidats s'affronteront ce soir lors d'un premier débat télévisé à 6 semaines du scrutin. Débat à suivre à partir de 3h la nuit prochaine sur iTélé. Un surfeur de 17 ans attaqué par un requin ce matin en Australie. Il a été blessé à la hanche et hospitalisé. Cela s'est produit sur un spot de Ballina où toutes les plages ont été fermées. Il y a eu 98 attaques de requins l'an dernier dans le monde. C'est un record et c'est à La Réunion que les attaques mortelles ont été les plus nombreuses. Un mot de foot avec la fin hier soir de la 7e journée de Ligue 1. Marseille s'est imposé 2-1 sur Nantes. Deuxième victoire de la saison pour l'OM qui s'éloigne de la zone de relégation à la 13e place. Nice a repris la tête du championnat en battant Nancy 1-0. Saint-Etienne-Lille 3-1. Puis il y avait aussi les deux dernières rencontres de la 6e journée du top 14 en rugby. Montpellier a écrasé Brive 42-13. Toulon a battu Clermont sur le score serré de 23-21. Enfin, la victoire de Lucas Pouille en finale de l'Open de Moselle. Le tennisman de 22 ans arrache son premier titre sur le circuit ATP. Le 18e joueur mondial reste sur une bonne dynamique depuis son quart de finale surprise à l'US Open où il avait battu Rafael Nadal. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Bon réveil! Je suis Caroline Dumont, nous sommes le lundi 26 septembre et demain c'est mon anniversaire. Je déclare maintenant le Virgin Tonic ouvert. Bonjour la France. Bonjour. Bonjour à Caro, dont c'est l'anniversaire. T'as quel âge, ma belle, aujourd'hui? Demain. Non, c'est demain. Demain, pardon. Je vais avoir 29 ans. 29. J'ai toutes mes dents. Ah, bien sûr. C'est la nouvelle quinzaine, ça. T'es en pleine patate, j'en suis sûr. Ma Caro, ma chérie, ravie de te retrouver. Ravie de tous vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui démarre pour le Virgin Tonic. 6h, 9h chaque matin, bien sûr, avec vous, comme Caro, au 39-16, qui démarre cette émission avec... bien sûr, des beaux cadeaux. Je vous en parle dans un instant. Je vous aussi vous remercier d'être si nombreux et si fidèles à nous rejoindre chaque matin. Et puis, avec une équipe. Pas la meilleure, mais celle que j'aime le plus. Puisqu'il y a Laure qui est là à nouveau ce matin. Salut Laure. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va bien. Je suis content de vous retrouver. Clément, comment tu vas? À merveille, je t'en vendais ce week-end. Ok, bah super. Bah ok, sois pas agressif. Ouais, je vous le dis. Dès qu'il revient de Vendée, vous savez, il est de Pouzoges. J'ai une petite ville de Vendée. Ouais. C'est un peu le maire, hein, là-bas, de Pouzoges. Donc dès qu'il revient, il a un melon, Clément. Ouais. Il nous prend de haut en mode, vous êtes là. Je suis un notable, moi, à Pouzoges. Ouais. Pauline du standard, elle a fait quoi ce week-end? Coucou, elle était avec ses copines et sa meilleure amie lui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc j'ai pleuré évidemment. Enfin, j'ai pas pleuré parce que j'étais émue pour elle, j'ai pleuré parce que je suis pas enceinte. T'arrives à un âge assez compliqué, ma belle. Non, t'es pas très âgée, mais tu commences à arriver à un âge maintenant où quand au début t'es content pour tes copines et là tu commences à être jalouse. Là j'avoue, je suis contente, c'est quand même ma meilleure amie, je sais que c'est un peu mon enfant d'une certaine manière. Mais surtout que c'est ton mec qui l'a mis enceinte. Toujours là pour faire tenir les couples de l'équipe. Vous le savez. Non, t'as pas vu Willou la cartouche ce week-end? Oui, si, je l'ai vu. Ah, il est venu un peu quand même. Ah bah oui, non, mais on est encore décollé. La vieille branche là de Willou, il est venu, oui Clément. J'ai fait un enfant avec Willou, elle devient mère ou grand-mère? Oh, quelle horreur. Non, magnifique enfant. Madame Cartouche. Oh là là, 10 ans d'écart avec Willou. Eh oui. Pas encore d'enfant, lui, faut qu'il s'y mette. Hein. Non, on va faire une petite cartouche. Bon. Bah si, ça se dit une petite fille qui s'appellera Cartouche, une petite cartouche. Ah, bah d'accord, oui. Bien, tu l'as bien aidé, je crois. Macaro, t'as fait quoi ce week-end, ma belle? J'étais chez des amis qui sont à Mayotte et qui sont venus exprès de métropole pour me voir. Oh, c'est sympa ça. Ouais, trop bien. Ah, franchement, moi, le plus loin que je suis allé ce week-end, c'est Porte Mayotte. C'est chouette, Mayotte, c'est à Paris. Là, c'est vraiment, c'est un quartier parisien, mais alors vraiment qu'il n'y a aucun intérêt d'ailleurs. Oui, Laure. Non, rien, ça va toi? Ouais. Et je voudrais vous le saluer, vous tous, hein, qui êtes tout juste en train d'ouvrir les yeux. Je sais que d'autres ont bossé tout le week-end et même cette nuit. Hein, parce que par exemple, si vous allez acheter votre pain au chocolat maintenant, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui bosse toute la nuit pour le faire. Et pour vous tous qui avez bossé la nuit, qui êtes déjà réveillés, qui êtes la France qui se lève tôt comme Caro qui est avec nous, cette semaine, on va vous régaler, les amis. Vendredi dernier, si vous n'étiez pas avec nous, je vous le rappelle, on a offert un séjour à la Martinique. Ouais. Une valeur de plus de 6000 euros. Ouais. Tout frais payé. Tout frais payé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le transport. Oui. Ça veut dire l'hébergement, mais pas hébergement genre en galère dans un camping. Non, hôtel 5 étoiles. Ouais, c'est la folie. Et cette semaine, ma petite Caro, on remet ça. On va à la Réunion cette fois. Ah, on met la même musique, Réunion et Martinique. J'adore. Eh bien, sachez les amis que chaque matin, vous pourrez vous inscrire au 3916. C'est le numéro pour nous joindre, pour parler avec nous aussi. Hein, le numéro du standard. Vous tombez sur Pauline, vous dites voilà, j'aimerais bien partir à la Réunion. Vous jouez avec nous. Non seulement vous pouvez repartir avec un casque Sennheiser, c'est quand même un casque d'une valeur de 320 euros. C'est quand même un très beau casque. Et en plus, quoi qu'il arrive, vous êtes dans le tirage au sort. Et vendredi matin, l'un d'entre vous, une chance sur quatre de repartir avec ce magnifique séjour. C'est sympa, Caro? Oh, grave, ça fait rêver. Franchement, c'est top. Oui, ma popo. Et puis à la Réunion, il y a des volcans qui sont encore actifs. C'est super intéressant, ça. Non, mais c'est super d'aller les voir. C'est super intéressant. Écoutez, on vous fera pas partir avec Pauline. Hein. On pourrait passer un vrai beau séjour à la Réunion. On a aussi, si vous êtes un peu nouvelle technologie, on a des packs, on vous offre la PS4 et le jeu FIFA 17. Bien. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Ça va faire des ménages heureux. Exactement. Et bien, justement, si du coup votre mari joue trop avec la PS4, que vous voulez trouver un amant, on vous offre l'iPhone 7 pour la Play. Grâce à Brossard, encore une fois, vous imaginez quand même que ça va faire 3 semaines que chaque matin on a un gagnant au téléphone à qui on offre le tout dernier iPhone et l'iPhone 7. C'est génial. C'est quand même énorme. Oh là là, on est tellement heureux de vous faire plaisir, Clément. Ouais, n'oublions pas qu'on a commencé en collant 2 iPhone 6 pour offrir un iPhone 12. C'était pas gagné. Mais oui, mais depuis plein de gens nous ont rejoints et maintenant on peut vous faire des très très beaux cadeaux. Oui, mon Nico du bureau qui est là aussi. Oui, je suis là. Et d'ailleurs, vous avez fait la mise à jour iOS 10 de l'iPhone. Ah bon? Maintenant, on peut écrire des trucs. Je l'adore, style télégraphique. Ah, je l'aime pas du tout. Tu peux dessiner et envoyer ton dessin. Ouais. Bon, c'est le seul truc un peu marrant, mais ça sert à rien. Et franchement, les couleurs et tout, moi, quand je reçois un message, j'ai l'impression d'être 10 ans auparavant. C'est horrible. Ah bon? Ah ouais, j'aime bien. T'as quoi comme téléphone, Caro? J'ai un iPhone 6. Et est-ce que t'as fait la dernière mise à jour? Non, pas encore. Il faut la faire. C'est pas terrible et tout. Donc Caro, mais sois pas réfractaire aux nouvelles technologies. Voyons comme ça. Allez, je vais le faire tout à l'heure. Mais bien sûr, non, je vous jure, c'est marrant. Il y a plein de nouveaux délires. On est vraiment dans un nouveau téléphone, Laure. Mais justement, il y a un truc que j'ai pas encore réussi à faire. Il paraît que quand on voit Joyeux anniversaire et qu'on a tous les deux la nouvelle mise à jour, tu vas avoir des ballons derrière qui vont s'envoler et tout. J'ai essayé de te l'envoyer pour ton anniversaire, ça a pas marché. Ça a pas fonctionné. Eh ben non, mais parce que t'es bloqué. Non, tu m'as débloqué. Non, parce que t'avais peut-être pas encore fait la mise à jour, toi. Il faut qu'on l'ait tous les deux. Je sais pas. Tiens, Ginger, alors vraiment, celle qui est sur les réseaux, merci. Hein, je vois déjà que vous réagissez déjà à l'émission. Vous êtes réveillés avec nous. Ça nous fait très plaisir. Ma Ginger, toi, est-ce que t'as fait la, c'est toi la oui. plus branchée de l'équipe. Est-ce que t'as fait la mise à jour? J'ai fait la mise à jour et moi ma vraie grande passion par contre c'est les nouveaux bruits des touches. Les sons des touches, il a changé et rien que pour ça maintenant je mets le son en fait. C'est un vrai kiff. Ah ouais? Ouais. T'as pas fait attention? Moi j'ai pas fait attention. Ah, j'adore. Ah. Même quand tu l'éteins ça fait pas le même bruit quand tu le bloques. Quand tu le fermes. J'ai vu ça. J'adore. Bah, j'avoue, on est idiots, on a le téléphone. Ouais, on est idiots. D'ailleurs, Nico m'a dit là hier, je ne supporte pas le nouveau bruit de. Ah. Ouais, lui, ça le. Ah, ça lui plaît pas du tout. Ah, qu'est-ce qui t'énerve, toi? Non, le bruit des touches. Ouais. Ah, non, et le bruit de quand tu refermes le verrouillage. Parce qu'en le verrouillage, en fait, c'est angoissant. Maintenant, c'est. Tu vois? Et voilà. Super. Vous pouvez la verrouiller, toi, en range. Je cache pas que ça nous arrangerait. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end, Laure? Le week-end en amoureux. Oh. Ouais. Oh. Ah, ça faisait longtemps. Ça c'est faisait très très longtemps qu'on s'était sans pas les trouvés enfants sans, mais sans aucun enfant, ni la mienne, ni les siens. Je rappelle qu'à deux, vous en avez quand même 14. Donc c'est pas ça. Vous en avez quand même deux de plus que le couple Jolie Pete. Je suis passée de mère célibataire à famille nombreuse. Ah, en fait. C'est quand même pas simple. Les amis, en tous les cas, moi j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous paye votre loyer aussi, excusez-moi. Je vous paye votre loyer aussi dans quelques minutes. Parce que nous, on n'attend pas 7h, on n'attend pas 8h pour vous faire des beaux cadeaux. Dès 6h20, un premier loyer sera à gagner. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Pour vous inscrire, tu tenteras ta chance, Macaro ? Bah bien sûr. Mais vraiment, ma chérie, t'as officiellement inauguré cette nouvelle semaine de Virgin Tonic. Un grand merci pour ça. Je t'embrasse fort. Merci à vous, c'est top. Changez rien, je vous adore. T'es un ange. Merci, ma belle. Merci à vous tous d'être avec nous. Le 39-7, je rappelle, pour nous joindre. Et puis Jonas Blue tout de suite. Perfect Stranger. Voilà ce qu'on écoute. Bon réveil, bonne semaine. C'est lundi. On est avec vous jusqu'à vendredi 9h. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're lundi, c'est le 26 septembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Tout juste rentré de week-end, vous nous avez manqué. Hein. Laure, Clément, oui. La popo du standard. Coucou. Et alors, moi, j'ai bossé, j'ai des infos. Vraiment, vous qui êtes déjà en voiture, vous qui êtes peut-être encore à la maison. J'ai bossé tout le week-end, j'ai plein de chiffres à vous donner ce matin. Mm-hmm. Le premier, déjà, c'est le premier annuaire de l'histoire. Ok, petite info, ouais. Il ne contenait que 50 noms. Le premier, alors évidemment maintenant on y va beaucoup moins, les pages blanches, les pages jaunes et tout ça. Mais le premier annuaire de l'histoire, j'ai appris ça ce week-end, il avait que 50 noms. Il n'y avait que 50 personnes qui avaient un téléphone. Clément. Mais comment on faisait dans les gardes à vue? Parce que dans les films, c'est, on leur met des coups de bottin. Là, il n'y avait qu'une page en fait. Il n'y avait qu'une feuille, il leur donnait des coups de feuille. Tu regardes vraiment des vieux films. Ouais, on met des coups d'annuaire dans les gardes à vue, c'est vraiment des vieux films. Hein. On n'y touche plus à l'annuaire. Non, ouais, on n'a pas vu un annuaire. La dernière fois, c'était chez ma grand-mère. Ah ouais, c'est vrai ça, on va plus chez ma les grands-mères. Grand-mère, on a encore un. Elle a encore un annuaire, c'est trop mignon. Y a pas des objets que vous trouvez que chez vos grands-parents, Clément? Les soufflets, tu sais, dans les cheminées là, les trucs pour pour faire faire du feu. Bah mon grand-père, il en a fait une table basse. Il a mis un truc de verre dessus, c'est une table basse. Il en est tellement fier de sa table basse. Il l'adore, ouais, Clève. Les Pyrénéens de Lint. Nous, on en voit vite fait à Noël, mais le reste de l'année, c'est que chez les grands-parents. Et chez les mon chéri, c'est pareil, hein. On trouve que chez les grands-parents. Et les after-eight aussi. Qu'est-ce qu'on trouve que chez les grands-parents? J'adore ce jeu. Le Pauline au standard. Le panier de fruits avec les faux fruits dedans. C'est une sorte de salade. En plastique. Ça, ton mec? Non, non, mes grands-parents. Une pendule à balancier. Ah ouais. T'empêches de dormir et tout. Ah ouais. Le truc horrible et toutes les heures. Coucou. Toutes les heures, ça fait comme quand Pauline dit bonjour le matin. Coucou. C'est vrai, c'est bon. Non, mais il y a mille trucs, je sais pas, il y a des. Tu sais comment on appelle ça? Ben, les dentiers là. Mais je te jure, chez les grands-parents, souvent tu vois ça, des verres posés. Tu sais, parce qu'ils ont des appareils, ils le posent. En fait, j'ai dit t'es bête, mais c'est vrai. Mais non, mais il y a ça que chez les grands-parents, on trouve pas ça ailleurs. Les napperons sur la télé, bon, ils sont embêtés maintenant avec les écrans plats, mais le napperon sur la télé. Oui. Alors la pile de télé 7 jours. Non, j'ai mieux. Quoi? Vous savez, le truc où il y a une puce sur la télé et pour qu'ils aient un casque pour écouter. Des écrans pas plats. Ces anciennes télés. Obligé de dire écran pas plein. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. On écoute Jane Makeba. Bienvenue à tous dans le Virgin Tonic. Nouvelle semaine qui commence. On est très heureux de vous retrouver. Tout de suite, Jane et Makeba. Salut, c'est Jane sur Virgin Radio. Extrait de la compilation Virgin Tonic saison 2016-2017. Exclusive. Déjà disponible. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, she's gonna give ya a little smile. You can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, it's Makeba, get me like. Girl, I gotta ooh, it's Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, it's Makeba, get me like. Girl, I gotta ooh, it's Makeba, makes my body dance for ya. Makeba makes my body dance for you. Ooh, Makeba. restez avec nous dans le Virgin Tonic. On est là 6h, 9h chaque matin pour vous tous qui êtes déjà au travail. Je sais que vous êtes surtout nombreux à pas être passé tout juste sous la douche, à prendre votre petit déjeuner. Dans un instant, c'est le loyer qu'on vous offre dès 6h20, nouvelle semaine qui démarre avec un nouveau gagnant, je l'espère. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Voilà le numéro. Et on écoutera Kungs dans Tiono. Bon réveil. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toi ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non. 295 euros par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée, 3 ou 5 portes. À partir de 295 euros par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Mini. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée, valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur Mini.fr. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Une belle journée pour débuter la semaine avec de larges éclaircies ce lundi sur l'ensemble des régions. Des nuages uniquement sur le Cotentin et la pointe bretonne. Côté Mercure, 17 degrés cet après-midi à Cherbourg et à Brest. 18 à Lille, Compiègne et Colmar. 19 à Strasbourg. Vous aurez 20 degrés à Paris, Rennes, Limoges et Chambéry. 21 à Nantes, Valence, Biarritz et Castres. 22 à Bordeaux et à Lyon. 24 à Marseille, Nice, Perpignan et Ajaccio. La maximale 25 degrés cet après-midi pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil avec nous. Virgin Radio. Partenaire de The First Face, le film de glisse et d'aventure de la rentrée, à ne pas rater. Rendez-vous le 2 octobre à 21h sur redbull.tv pour la diffusion exclusive de ce film événement. Exclusive. Travis Rice, l'un des snowboarders les plus doués de sa génération, s'embarque dans une odyssée à la découverte des pentes vierges les plus reculées au monde. The First Face, le 2 octobre sur redbull.tv, un événement Virgin Radio. Match au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match, M-A-T-C-H. Au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue. Virgin Tonic, c'est la compilation. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62-333. Message 35 centimes par SMS à coût d'envoi, service modéré et animé. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Lost Frequencies. Le nouveau 21 Pilots. Le nouveau The Chainsmokers. More. Virgin Radio. Rock. Rock. Electro. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Allez, tout de suite. Donnez-moi 2 minutes pour vous rappeler un peu les règles. Bonjour à l'équipe qui est là. Vous dire bonjour à vous tous qui êtes en voiture, qui êtes en train de m'écouter, peut-être en prenant votre douche. J'espère en tout cas, où que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait de ce week-end, que vous avez pris le temps depuis vendredi 9h, depuis qu'on vous a quitté, de vous inscrire ne serait-ce qu'une fois, loyer au 7-12-13 par SMS. Tous les textos reçus depuis vendredi, la fin de l'émission, sont comptabilisés. Là, maintenant, on va tirer au sort parmi tout cela. On va garder une personne. Une personne qu'on va rappeler maintenant en direct. C'est la machine qui s'occupe de ça. Faut juste bien me laisser votre numéro de téléphone. Ça sonne. Je vous demande quelle est la seule radio à vous faire ce beau cadeau. Je vous paye un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Et je vous envoie le chèque si vous me dites Virgin Radio. Ça va être une femme. Je le sens bien. Exactement. Bon de médium. Exactement. Bonjour, qui est là? Allô. Oui. Allô. Oui, bonjour. C'est... Qui est à l'appareil? C'est Charlie. Salut Charlie, comment tu vas? Bah ça va tranquillou. Tranquille, t'es au boulot? Ouais, exactement. À chocolaterie? On se marre. Tu fais quoi dans la vie, Charlie? Je suis menuisier, ça commence très tôt. Ouais. Un métier assez pénible, en plus avec l'hiver qui arrive. Mon poteau, c'est je vais ça. Pas t'embêter longtemps, mon Charlie. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Et voilà, Ah, il s'est pas embêté, il m'a fait une réponse de menuisier. Ouais. Il m'a fait une réponse, on dirait qu'il me faisait un devis. Non, mais c'est que moi, c'est changé, quoi. C'est faut toujours y aller. Virgin Radio. Virgin Radio. Ouais. 950 euros hors taxe. Mon petit Charlie, écoute, on va pas te mettre en retard. Il y a souvent du retard en plus dans les travaux publics et tout. Après, ça va crier, tu vas te faire gronder par notre faute et nous, on veut pas ça. Mon Charlie, menuisier dans quel coin? Dans les Bouches-du-Rhône, vers Salon-de-Provence. Ah, oh, je connais très très bien. C'est beau. Ah ouais, c'est très beau. Oui. Et mon Charlie, il est de combien ton loyer là-bas? 850 euros. Eh ben 850 euros, tu sais ce que je fais? C'est le premier gagnant de la semaine, je te fais le chèque tout de suite, tu l'auras d'ici la fin de la semaine, d'accord? Eh ben impeccable ça. Eh ben je suis ravi, bisous mon Charlie. Ben merci à vous hein. Salut à toi mon poteau. Et on embrasse hein, tous les gens. Moi il y a beaucoup chez moi, je viens des Alpes, beaucoup de charpentiers, ouais. Et tout ça. Et je sais que c'est pas des métiers simples et que vous êtes déjà en voiture pour aller au taf. Courage à vous tous. Et tout de suite on écoute quelqu'un qui a 19 ans, qui est d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Valentin. C'est Kungs tout de suite sur Virgin Radio. Don't you know, on l'adore, je sais que vous aussi. Et bon réveil. Prochain tirage au sort pour le loyer, c'est à 7h20. Let's go. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisi, c'est le Virgin Tonic chaque matin. Et oui, c'est votre rendez-vous sur Virgin Radio, 6h-9h. Merci à tous les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent chaque jour. Et je voudrais en faire encore un plus gros bisou à tous ceux qui sont là avec nous depuis plus de 2 ans maintenant. Chaque matin, on est très heureux de vous retrouver le lundi. Nouvelle semaine qui démarre. Ouais. Oui. Ouais. On va vous souhaiter beaucoup de courage. C'est jamais simple le lundi. On vous a préparé l'actu, c'est à 6h30 comme tous les matins. Puis 6h35, le réponse à tout. Clément, même le week-end, descend dans la rue, poser des questions aux enfants. Et on parlera demain dans le mariage. Oh, pas mal. Courage à vous, hein, couvrez les yeux, je sais. Alors, il y a aussi des gens qui ont un peu trop fait la fête le week-end. Ouais. Moi, j'ai passé l'âge, hein, maintenant, faire la fête, c'est un dîner. Hein. Voilà, si on a l'impression d'avoir fait un truc de dingue, j'ai dîné chez les amis, les gars. C'est plus les boîtes, bah non. C'est fini pour moi, bah tout ouais. Ça. Mais voilà, il y en a qui ont peut-être fait la fête et du coup, le lundi, on le paye un petit peu, quoi, Clément. Moi, j'ai fait la fête. Bon, c'était les 60 ans de mariage de mes grands-parents, donc ça va. Mais après, je suis allé en boîte avec des potes et après, on est sorti. Et qu'est-ce qu'on a fait? Comme quand on avait 17 ans, on est allé direct à la boulangerie. Ah. Tu sors de la boîte, tu sens l'odeur de la boulangerie et c'est pas pas encore ouvert et tu vas frapper et le boulanger il t'offre et il te file des croissants. Je suis sûr vous êtes nombreux dans mon cas à plus trop aller en boîte, c'est vrai. Bah à un moment donné c'est plus l'âge quoi. Mais à vous rappeler des trucs de boîte. Moi je sais que quand je rentre de boîte, un truc que je fais tout le temps, croque monsieur. Ah j'ai une machine à croque monsieur, j'ai récupéré de ma mère. Tefal, magnifique, je l'adore. Elle est pourrie, défoncée, tout mais a fait les meilleurs croque monsieur au monde. Et j'ai un rituel, c'est de me faire mes croque monsieur en rentrant de boîte. Ah ouais, je comprends. C'est un kiff. Laure, moi, c'est la dernière fois que t'es allée en boîte, il y a 42 ans. Non, non, non. Je suis allée cet été et on s'est fait comme ça en rentrant de boîte. Refoulé. T'es en rentrant de boîte à 20h30, on s'est fait un ciné. Non, pas du tout. Je suis allée en boîte, j'ai dansé jusqu'à 5h du matin. Et en rentrant, on s'est fait des crisp rolls avec de la tome de brebis et des chips. Ça, c'est mon kiff de rentrée de boîte. Ouais, c'est pas un vrai kiff. Pour moi, quand t'es sur du crisp roll, c'est pas mauvais. Mais c'est qu'il y a plus de pain, il y a non, pas des trucs. Moi, j'aime bien quand ça croque en fait. Tu sais, tu mâches comme ça pour. Parce que je bois pas souvent. Donc il faut que je mange quelque chose moi. Il faut que tu sentes que ça croque. Voilà. Que ça croque. C'est important. Le crisp roll, c'est bien pour ça. Ouais. Très bien. Redis-le. Crisp roll. Crisp roll. Ouais, elle le dit bien. Alors, Pauline, c'est vraiment. Voilà. Maintenant, elle est en couple et tout, mais c'est un peu la plus fêtarde de l'équipe, il faut le dire, avec Ginger. C'est quoi ton rituel quand tu rentres de boîte? Alors, moi, c'est pas manger parce que c'est la pire heure pour manger. C'est là où on prend le plus de poids. Et non, en fait, c'est envoyer en message groupé avec mes copines toutes les photos de la soirée. Genre, la dernière, c'était une photo dont je me rappelais même pas, de moi avec un mec déguisé en cochon. Ouais. Voilà. Mais ça nous fait marrer. On se fait un gros débrief de la soirée et on s'endort sur ça. Alors moi, je suis peut-être un peu vieux jeu. On va dans quelle boîte pour rencontrer un mec déguisé en cochon? On sortait de boîte et lui sortait d'une soirée déguisée, je pense. Hein. Non, c'était la soirée cochon doux. Le gars avait carré VIP, il avait tous les trucs. Tous les gars sont venus. Pierre Martinet, Justin Bridou, ils sont tous passés. C'était la soirée traiteur, c'est une soirée de dingue. Oui, ma petite Ginger. Le problème maintenant, c'est qu'il y a Snapchat. Et en fait, tu rentres de soirée et tu regardes tous les snaps que tu as publiés en direct toute la soirée. Et tous tes potes qui ont regardé, il y a des choses, des fois. Il y a toujours les photos dossiers en rentrant de boîte, c'est normal. Oui, Popo, standard. Cet été, j'avoue qu'on s'est un peu vu avec Ginger. Moi, je snap pas comme elle. Donc, elle passait toutes les soirées à faire des snaps de retour de soirée. Le lendemain, j'étais dégoûtée. Elle fait ça, quoi. Et surtout, t'as toujours le truc où t'as un peu arrangé la soirée quand ta chérie t'a laissé sortir. Et que d'un coup, t'as un pote qui met sur Facebook énorme dîner avec tous les potes et les copines. Voilà. Et ben, j'avais pas complètement annoncé qu'il y avait des filles. Elle sait qu'on dîne, mais elle savait pas qu'on dînait avec d'autres personnes, quoi. Il y a Marie, il y a Julien, tiens, qui sont avec nous tous les deux. Bonjour, bienvenue au 3916, les copains. Salut les amis. Et vous tous qui m'écoutez, c'est le numéro pour nous joindre. C'est votre émission, le Virgin Tonic, chaque matin. Marie, est-ce que t'as un rituel de nourriture ou pas, quand tu rentres de boîte le soir? Salut. Salut. Alors oui, moi, mon kiff en rentrant de boîte, c'est de raconter tout ce qui s'est passé de ma soirée à mon chat. Et franchement, se moque pas et tout. Franchement, il est à fond avec moi. Et des fois, il me juge, par contre. Il me juge de ouf. Genre, ah ouais, t'as voulu draguer Marc, mais genre, on vaut net tellement mieux qu'un Marc, quoi. De la bourrasserie pour parler à ton chat. C'est pas Snapchat, quoi. C'est vraiment le chat direct. Mais il est à fond avec moi, franchement. Et des fois, il me répond aussi. Mais pas en un regard. Apparemment, il fait des phrases et tout. Mais oui, il me fait. Ou alors, c'est peut-être les Moritos qui me répondent, mais. C'est bon niveau de bourrasserie. Mon petit Julien, c'est quoi toi ton rituel en rentrant de boîte? Je me fais passer pour un chat et les meufs me parlent. C'était vous le mec déguisé à la soirée de Pauline en fait. C'est ça, déguisé en chat. Écoute-moi, mon kiff, moi, c'est de mettre un statut sur les réseaux sociaux à 6h du matin et puis de dire bonne nuit tout le monde. Comme ça, tout le monde voit que j'ai passé une bonne soirée et surtout mon ex. Moi, je fais pas ça. Mais je fais tout l'inverse. Quand je rentre de boîte, et ça m'arrive jamais, mais à 6 ou 7 heures, au contraire, j'arrive, je dis allez, bonne journée tout le monde, une belle journée qui s'annonce. Et tout le monde dit oh, il est bien matinal, tu vas pouvoir s'amuser. Ah non, je vous jure, vraiment, je fais tout l'inverse. Bisous, mon Juju, bisous, ma Marie. Je les aime bien tous les deux. Ouais. Un beau couple, restez avec nous sur Virgin Radio. Que vous soyez là en boîte ou pas, ce morceau-là, vous l'avez forcément entendu ce week-end, c'est Manzelmer Love, le pop rock électro que vous aimez. C'est tous les matins, bien sûr, dans le Virgin Tonic, 6h-9h, un point sur l'actu, et on revient. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, quelques gouttes sur la pointe bretonne, mais dans l'ensemble ce sera un temps très agréable aujourd'hui sur tout le pays. De belles éclaircies à l'image de la semaine qui restera bien ensoleillée. 20 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon, 23 à Bordeaux, 24 à Marseille. Des détenus ont refusé de regagner leur cellule hier soir au centre pénitentiaire de Valence. Dans la Drôme, ils ont dérobé un jeu de clés à un gardien avant de tenter de mettre le feu à des matelas, ce qui a provoqué des dégâts sur deux étages. Tout est rentré dans l'ordre dans la soirée. Les syndicats dénoncent le manque de personnel dans les prison. François Hollande se rend à Calais ce matin, déplacement de quelques heures, le premier de son quinquennat, 5 jours après la visite de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a rappelé ce week-end sa volonté de démanteler entièrement la jungle de Calais. Les médecins appelés à la grève aujourd'hui dans les hôpitaux, ils protestent contre leurs conditions de travail, pour de meilleurs salaires et pour dénoncer la pénurie de praticiens. La grève se poursuivra tous les soirs de la semaine avant une prochaine action le 12 octobre. La publication à 18h ce soir des chiffres du chômage pour le mois d'août. La tendance est à la baisse depuis le début de l'année, mais l'UNEDIC s'attend à une dégradation pour 2017 avec 79 000 chômeurs supplémentaires. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception. La presse en profite pour rappeler qu'il n'y a pas que la pilule pour éviter de tomber enceinte. Il y a aussi le stérilet, y compris pour celles qui n'ont jamais eu d'enfant. Et l'implant introduit sous la peau, totalement invisible et bien remboursé par la Sécu. Il est même gratuit pour les mineurs. Le premier sommet Climate Chance ouvre aujourd'hui à Nantes. Plus de 3000 participants attendus pendant 3 jours, représentant une 60aine de pays. Pas de chef d'État, mais des ONG et des start-up. Objectif, accentuer la pression avant la COP22 de Marrakech. Le premier débat Hillary Clinton-Donald Trump, c'est cette nuit aux États-Unis. Vous pourrez le suivre à partir de 3h la nuit prochaine sur iTélé. Un débat très attendu par les Américains à 6 semaines du scrutin. L'événement pourrait rassembler jusqu'à 100 millions de téléspectateurs. Étape cruciale pour les candidats au coude à coude dans les sondages. Le foot, l'OM se rebiffe à la une de l'équipe ce matin. Marseille a signé sa 2e victoire de la saison 2-1 hier face à Nantes. L'OM s'éloigne de la zone de relégation à la 13e place du classement. Nice a repris la tête du championnat à l'issue de cette 7e journée de Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0 à Nancy. Saint-Etienne a battu Lille 3-1. Côté rugby, la fin hier de la 6e journée du top 14, Montpellier a pulvérisé Brive sur le score de 42-13, 23-21 pour Toulon Clermont. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Les amis, j'ai une info qui concerne l'or. Je vous la donne dans 2 secondes. Je vous souhaite avant tout quand même vraiment un très très bon réveil. Courage, hein. Si vous m'entendez à cette heure-ci, c'est que vous faites partie des gens qui se réveillent très très tôt, aux alentours des 6h30. Vous êtes peut-être même déjà arrivé au travail. Beaucoup de courage à vous, c'est déjà lundi. Aujourd'hui, le 25 septembre. L'équipe est là, Clément. Bonjour. La petite Pauline au standard, 3916 pour nous joindre. Et l'or donc. Oui. Puisque tu vas voir que tu n'es plus seul. Ah. Tu n'es plus seul puisque... Grâce à Femme Actuelle, j'ai appris, je vous ai dit, j'ai plein de chiffres que j'ai retenus ce week-end. Grâce à Femme Actuelle, j'ai appris que 30% des hommes sont gênés par les ronflements de leur partenaire. Alors, je me tourne vers toi parce qu'on sait que Juju est un serial ronfleur. Ah ouais, vraiment. Attends, tu veux que je te fasse écouter le dernier ronflement de Juju? Non mais c'est n'importe quoi. C'est hallucinant, hein, je vous promets, on en a parlé plusieurs fois. Attends, comment on fait? Comment on fait, les bébés? Ben non, attends, je suis en silencieux, tu penses? Ben ça marche. D'accord, pas. D'accord, merci. Non, mais attends, vous savez ce qu'on vient de vivre? On vient de virer une maman qui essaie de toucher un iPhone. C'est tout simplement. Voilà, une mère de famille. Voilà, c'est comme quand ta mère te dit non, mais j'ai la photo et non, attends, et non, j'ai failli. Ça n'a pas marché. Les amis, donc Juju gros ronfleur, mais là on parle des hommes. 30% des hommes sont gênés par les ronflements de leur partenaire. C'est mon cas. Ça me réveille pas, j'ai le sommeil très long, mais ma chérie ronfle beaucoup. Oui, Clément. Moi, j'avais un problème, c'était le grinçage de dents. J'avais une ex qui grinçait des dents et c'est pire parce que le ronflement, ça peut bercer. Mais les dents qui grincent, c'est insupportable. C'est dur, hein. Ou alors c'est pas ses ongles sur le parquet pour partir. Les amis, pardon, c'est de la radio, donc je vous explique un peu ce qui se passe. Il vient vraiment se passer un truc de mère de famille, c'est que du coup, Laure a tendu à notre réalisateur Robin le téléphone en mode « J'y arrive pas, fais le marché ». J'ai l'impression de voir ma mère avec la box internet. Je comprends pas, fais le marché. J'ai rien touché, je te jure, moi j'ai rien touché. Et Robin qui a 16 ans, qu'est-ce qui se passe? On essaye. Bah vas-y. Bah tu vois, même lui, il y arrive pas. Et ben voilà. T'as rien enregistré? Non mais elle a juste rien enregistré. Mais quelle cata cette langue, je vous jure. Les amis, restent avec nous sur Virgin Radio. Courage à toutes les femmes qui se réveillent avec des cernes parce que leur chéri a ronflé, et puis les hommes aussi. Voilà, en tout cas, on est avec vous jusqu'à 9h. Tout de suite, réponse à tout. Virgin, réponse à tout. Clément, il a toujours réponse à tout. Et il y en a qui sont encore plus forts que lui, c'est les enfants qui l'interrogent, même le week-end, qui posent des questions chaque lundi, Clément. Et ce week-end, je leur ai demandé comment on faisait pour demander quelqu'un en mariage. Comment il faut faire quand on veut demander quelqu'un en mariage? Bah, tu demandes est-ce que tu veux m'épouser? Bah, on dit est-ce que tu veux m'épouser? Qui c'est qui demande, la fille ou le garçon? Le garçon. Et la fille, elle dit quoi? Elle dit oui. Toujours? Non. Des fois, elle dit non? Oui. Elle dit non, pourquoi? parce qu'elle l'aime pas. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Bah tu te mets à genoux. Accroupi. Tu mets à genoux à terre et tu dis, veux-tu être ma femme? Tu penses qu'il faut un endroit particulier ou pas pour demander en mariage quelqu'un? Bah un endroit joli quoi. Un endroit joli comme quoi par exemple? Pas un McDo? Non, pas un McDo. Dans une église. Et y a pas un cadeau qu'on fait avec? Si. Une bague. Une bague comment? Bah en diamant. Non, un anneau. Dans une petite boîte. Dans une petite boîte? Oui. Une boîte de nuit? Non. Oh. Une boîte comment? Une boîte de conserve. Réponse à tout. Vous êtes tellement mignons les enfants, merci de jouer le jeu chaque matin. C'est lundi les amis, on vous souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle semaine qui démarre. C'est le 26 septembre et j'ai un moyen de vous donner le sourire. Puisque en m'appelant maintenant au 3916, vous êtes automatiquement inscrit. Si vous êtes tiré au sort, pour repartir à La Réunion, tout frais payé les amis. Ouais. Un séjour d'une valeur de 6 000 euros, hôtel 5 étoiles, le transport, l'hébergement. Inscrivez-vous maintenant, on va jouer au jeu de la lettre. Okay. Je vous en dis plus dans 2 secondes, le temps d'écouter Manzel Merlof. On peut pas écouter ça plutôt? Ouais. Oh, j'adore, ouais. J'aimerais bien. Allez, Manzel Merlof, bon réveil à tous sur Virgin. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. C'est le 26 septembre, courage à vous tous les amis. J'espère que tout va très très bien pour vous. Vous qui êtes en voiture et puis vous qui êtes nombreux, je le sais, en train de préparer le petit-déj, en train de vous demander qui c'est qui prend l'abricot, qui c'est qui aime la framboise, je sais plus rien, prenez du Nutella, j'en ai plus rien à foutre. De fatigue de lundi, on vous souhaite encore énormément de courage. Laure, Clément, yes, Pauline sont là et puis vous tous, parce qu'on joue là maintenant tout de suite déjà pour un séjour à La Réunion d'une valeur de 6000 euros. C'est parti. L-E-T-R-E, c'est le jeu de la lettre. Eh ouais. Ouais, bon, en tout cas, c'est pas le jeu de l'orthographe. Hein. Merci. Le jeu de la lettre, les habits, il est très simple. D'accord. Quelqu'un va être avec nous au 3916. S'il gagne ce jeu, il repartira quoi qu'il arrive avec un casque audio Sennheiser valeur 350 balles. Waouh. C'est bien ou c'est pas bien? C'est génial. 350 balles. C'est énorme. Vous voyez, 200 balles. Ouais. Bah, c'est 150 de plus. Wow. C'est énorme. Alors, c'est de la balle ou c'est pas de la balle? C'est de la balle. Oui. Eh bien, les amis. Le casque est quoi qu'il arrive gagné. Et en plus, vous êtes inscrit pour le tirage au sort. On a offert la Martinique vendredi dernier si vous étiez avec nous. Et bien cette semaine, vendredi prochain, parmi les 4 gagnants de la semaine, on repartira avec ce séjour à La Réunion. Plus de 6000 euros de valeur. Et c'est Christine qui a eu la chance d'être tirée au sort ce matin. Salut Christine. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Comment tu vas Christine? Bah écoute, très bien, le réveil est parfait ma foi. Eh bah tu me fais plaisir ma chérie. Tu viens d'où? De Forbac. D'accord, Forbac. Oui. Le secret de Forbac Mountain. Hey. Ah, j'ai vu le film, il y a des cow-boys là-bas. J'ai vu. Christine ma belle, attention, on y va. Tiens, dans un instant on écoute Likely, I Follow Rivers, un de mes morceaux préférés. I follow you. On écoutera ça dans un instant les amis. En plus l'équipe chantera pas dessus, donc ce sera pas meilleur. Mais pour le moment, le jeu de la lettre. Alors le principe est simple Christine. Je vais donner une lettre. D'accord. Puis chaque personne de l'équipe, on commencera par Laure, puis Clément, puis Pauline, puis toi, et ainsi de suite. Voudrait chaque fois rajouter une lettre jusqu'à ce que ça forme un mot. Dès qu'il y en a un qui a plus de lettres pour que ça continue de former un mot, eh bien c'est perdu. Ok Christine. On y va, c'est un jeu d'orthographe. Et on y va, alors on commence avec la lettre R. A. R, A. C. Ouais. E. Pauline, E. Attends, R, A, C, E, ok. Christine. Alors, R, A, C, E, c'est ça? Oui. Je peux mettre au pluriel, des fois. S. S. C'est alors... à moi? Eh ben oui, en fait. J'étais foutu, mais. Mais non, mais non, je suis l'arbitre. Mais perdu, eh oui, c'est toi qui es perdu. Christine, bravo, tu l'as simplement mis au pluriel. C'est bravo. Christine, bravo, merci à vous. Christine, félicitations. Tu l'as mis au pluriel, ça fait race au pluriel, tout à fait, c'est gagné. Ce qui veut dire que c'est Laure qui est éliminée, Laure qui joue. Attention, on reprend le jeu avec une nouvelle lettre. Je vous donne Clément, tu démarres, puis Pauline, puis Christine. Laure ne joue plus, la lettre T, Clément. Ah. T-A. L. T-A, L. Christine. O. Bien sûr. N. N. S. Christine. Oui. Tu vois, tu t'es rajouté. T-A-L-O-N-S, c'est ça? T'es bloqué là. Parfois oui. Mais oui, t'es bloqué. Là, c'est toi qui as perdu. Il n'y a plus d'autres mots, vous avez compris. Il n'y a plus d'autres mots après cette lettre. Le seul truc, t'es pas gentil, Pauline, parce que tu aurais donné un autre L, ça faisait talonné. Bah oui. Ou talonnette. Talonnade. On aurait pu continuer. T'as voulu juste foutre Christine dehors de ce jeu. Non. Mais voilà, elle a fait exprès. Exactement. Non. C'est pour ça que je t'élimine, Pauline, parce que t'as fait dégueulasse. Christine, tu rentres dans le jeu. C'est Christine face à Clément. Ok. Christine face à Clément. Attention, on joue avec la lettre P, Clément. O. P-O. R. P-O-R. P-O-R-T. Christine. A. P-O-R-T. Elle est maligne. Elle est maligne. Orta, B, ouais, Christine. Il a dit quoi? B. Il a dit B. Il a dit B. On est à portable. L. E. F. Christine. Oh ouais, j'ai pas fini. Vas-y. Uf. Bien sûr, portable Zuffier. Bien sûr. Mais non, les portables U. C'est perdu pour Clément, ça se dit pas. Génial, nickel. Oh là là, ça s'est joué à pas grand chose. Christine, ma belle, je suis ravie. Déjà, un casque Sennheiser, valeur 350 euros, était officiellement inscrite pour le tirage au sort de vendredi matin. Une semaine à La Réunion à gagner pour deux personnes avec Air Austral et l'hôtel Lux Saint-Gilles, 5 étoiles, ma chérie. Tu partiras avec la personne de ton choix, d'accord? Ouais, écoute, c'est génial, c'est nickel. Et en plus, on rêvait d'un voyage de noces, donc c'est parfait. Eh ben, ça me fait plaisir. Ben, ma belle, quoi qu'il arrive, je te prends au téléphone vendredi matin. Et puis, peut-être que tu auras une chance sur 4 de gagner ce tirage, quoi qu'il arrive. Je t'embrasse. On écoute tout de suite Likely, I Follow Rivers. Je suis Dick Rivers, bien sûr, sur Twitter. Merci à vous tous. On y va, c'est le Virgin Tonic avec vous. Follow. Be the vous tous. Merci de nous choisir plus nombreux chaque matin, les copains. On est là tous ensemble du lundi au vendredi de 6h à 9h. Comment va l'équipe ? Bien. Tiens, j'ai une info importante. J'ai une bonne info pour vous. Tiens, vous aussi, qui êtes peut-être déjà sur le chemin du travail ou en train d'ouvrir les yeux. C'est une info qui nous vient du site de LCI. Ouais. En Angleterre, un homme vient de porter plainte contre son ex-petite amie. D'après vous, pourquoi ? Tiens, je le fais avec Pauline du Standard. Oui. Tiens. Quand tout le monde veut prendre sa place, je te fais quatre propositions. Ouais. Un homme vient de porter plainte contre son ex-petite copine. Oui. Parce qu'elle a gardé les identifiants de sa box internet. Parce qu'elle a piqué des Tupperware de sa mère. Parce qu'elle a donné trop à manger à son hamster. Ou parce qu'elle est toujours en couple sur Facebook, alors que maintenant, it's complicated, bah it's over, it's single. Ah non, elle peut être en couple avec quelqu'un d'autre. Non, je dirais les identifiants de la box. Bah oui. Et non. Ah bon ? Le hamster ? Exactement, Clément. Depuis qu'ils se sont quittés, c'est elle qui s'occupe du hamster de son ex, sauf qu'elle le nourrit beaucoup trop. Du coup, il est en surpoids, il est allé voir la police. Donc, hein, il est allé voir la police. En fait, c'est un policier qui a raconté ça à la presse, qui a dit on n'a pas reçu la plainte, mais je suis obligé de vous le raconter. Il est vraiment allé porter plainte pour obésité de hamster. Oh. Oui, Clément. Non, mais quand tu te sépares, tu sais, tu partages les animaux un week-end sur deux quand c'est un chien. Mais quand c'est un hamster ou un poisson rouge, tu le fais pas vraiment. Mais je sais pas. Hein. C'est dingue. C'est bizarre. Fou. Ouais. Clément, tes parents divorcés, ils t'ont trop nourri Exactement. Non, ils s'en restent ensemble parce que justement, j'ai encore faim. Bien sûr. Oui, ma Pauline au standard. Mais tu vois, je pourrais porter plainte contre mes copines parce que cet été, j'étais dans un appartement où il y avait mon chat et tout le monde la nourrissait parce que tout le monde pensait qu'elle était pas nourrie. Elle a pris 2 kilos. Et 2 kilos pour un chat, c'est énorme. Hein. C'est énorme pour une chatte, 2 kilos. Je la vois plus pareil. C'est-à-dire ? Bah, je n'en ai plus pareil. C'est plus bah, il faut la mettre au régime. Là, elle est au régime. Comment fait maigrir un chat, Laure ? Ah, bah alors, écoute, j'en ai pas la moitié. Je dirais des protéines. Eh bah alors, mais bien, comment bah, que Clément ? Coach N4. Bah, bien sûr, une agence qu'on a montée. On a pour l'instant 3 agences, une à Toulouse. N4, bien sûr. Oui, Nico du bureau. Tu mélanges salitière et ses croquettes. Tu mets ses croquettes dans la litière. Non, plaisante, ne le faites pas, on adore les chats, bien sûr. Restez avec nous sur Virgin Radio. Laure, tu fais une blague, elle, tous tes premiers degrés. On a dirait qu'on l'a vraiment fait au chat. Restez avec nous sur Virgin Radio, on est tellement heureux d'être là, on va vous payer votre loyer à 7h20 comme on le fait chaque matin. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Bon réveil à tous, bon début de semaine. En ce moment chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France commencent demain chez Intermarché. Tentez de gagner des places pour la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, des chariots d'une valeur de 75 euros, des voyages de rêve et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Du 27 septembre au 23 octobre. Où va le monde ? Quel est le sens de la vie ? L'œuf ou la poule ? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690 euros, avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne à LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache ? Citroën. Offre sous condition de prise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit. Tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non ? Ceux qui aiment leur Mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur Mini.fr. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence mercredi. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah ben ça, c'est parfait pour ma cave. Dès mercredi, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. révolté. Virgin Radio. Me demande pas pourquoi je tremble quand t'es là. Si je t'évite et que je tangue, c'est à cause de moi. Maintenant je vois l'amour comme une guerre, j'ai trop souvent fini à l'eau. Comme un con au milieu de la mer ou de la bataille de Waterloo. Tu me dis qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savourer l'inconnu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre dépourvu, je ne veux plus. No, I don't wanna fall in love. I don't wanna fall for you. Don't wanna fall in love. Just wanna be next to you. Just wanna be next to you. Qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savoir se mettre à nu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre dépourvu, je ne veux plus. No, I don't. Virgin Tonic, merci de nous choisir si nombreux chaque matin. Pardon, on mange des bonbons avec Robin, notre réalisateur. Ouais, voilà. Et du coup, un bonbon a arrêté le jingle. Ouais, voilà. L'attaque des bonbons. Les amis, vraiment, j'espère que tout va très très bien pour vous. En ce lundi, on est très heureux d'être là. Dans un instant, on vous a préparé un point sur l'actu avec tous nos journalistes qui vous accompagnent chaque matin sur Virgin. Ils sont plus de 60 en France. Et puis, juste après, ce sera bien sûr la question de ouf. Je suis très impatient de l'entendre puisque vous avez eu tout le week-end pour laisser vos messages sur notre répondeur et vous avez encore un peu de temps d'ailleurs. 01 84 07 08 09. On vous a demandé c'est quoi la pire question à un entretien d'embauche et ce qu'il faut répondre. Oh là là. C'est dur les entretiens d'embauche. Ah ouais, ouais. Oh là là. C'est ouais. Jamais. Hein. Moi j'ai toujours menti. Une fois j'ai dit que j'adorais le voilier parce qu'il y avait des photos de voilier. Ouais. Tu te fais avoir, tu sais plus quoi dire. T'es en panique devant un entretien d'embauche. Oui Clément. Faut dire que t'es célibataire, tu sais que tu vas pas tomber enceinte et tout quand t'es une femme. Ah ouais. Ils ont toujours peur des femmes en couple, c'est pour ça que je suis célibataire. Parce que ça. Mais d'ailleurs, c'est pas bien. Hein. Mais c'est vrai que voilà, les patrons en général, c'est ce qui se dit. Voilà. Ils ont peur qu'une femme tombe enceinte. Pas oui, bien. Clément. Oui, Laure. Vous vous ressemblez de plus en plus tous les deux. Va falloir vous mettre une pancarte, hein, comme dans une famille en or. Je vous confonds en permanence. Hein. Oui, Laure. Non, mais t'es obligé de mentir un tout petit peu, justement. Quand t'es une nana, t'es toujours un petit peu obligé de. Voilà, pour dire. Moi, par exemple, je dirais pas à un entretien d'embauche que je suis en couple. Je le dirais pas. Parce que je préfère dire que je suis célibataire. Mais pourquoi toi? Parce que je pense que ça donne plus confiance à l'employeur et que c'est en fait c'est ridicule. Bon, très bien tomber enceinte, avoir un enfant, etc. et continuer de bosser. Moi, je connais des femmes qui s'arrêtent 3 mois. Il y a peut-être des gens qui sont célibataires à cause de leur travail. Mmh. Ouais, aussi. Mais j'en connais plein. Ouais. J'aimerais connaître la raison pour laquelle vous êtes célibataire. Si vous êtes en train de m'écouter, de nous écouter le matin sur Virgin Radio, vous avez l'habitude de vous réveiller avec nous le matin. On lance un hashtag. Musique de lancement de hashtag. Ah. C'est un hashtag français. C'est un dièse. Au même moment, requin en point. Joseph Durand est en train d'arranger son sac à dos. Les amis, lancement du hashtag. Je suis célib parce que là, je vous dis, hein, c'est rare que je prenne des décisions aussi directes jusqu'à 9h. Ouais. Je ne veux parler plus que de ça. Je veux savoir pourquoi les gens sont célibataires selon vous. Je suis célib parce que la raison pour laquelle vous êtes célibataire. Je vais commencer par Clément. Bah, je pense que c'est le plus grand célibataire de France. Ouais, bah, je pense que j'ai un physique intimidant, ça doit être ça. Moi, il y a plusieurs raisons. Je pense que j'aime trop la fête. Enfin, j'aime trop la vie. C'est-à-dire qu'il me faudrait trois femmes pour. Il y a beaucoup de médecins qui me disent que tu te drogues à la vie. Ouais. Toi. Non, mais c'est vrai. Et que je me lève tôt le matin, je me couche tard le soir, je suis épuisant. J'ai un pote, je vous le dis vraiment, hein, je l'embrasse très très fort, Arnaud. Mais j'ai un pote à moi, je vous jure que c'est vrai. Il est persuadé d'être célib. Il est vieux garçon, il est insupportable sur plein de trucs. Je l'aime beaucoup, mais il est insupportable. Et ça, il est persuadé d'être célibataire parce qu'il vit au-dessus d'un kebab. Mais je vous dis ça, je vous l'invente pas. Il sait son idée fixe. Mais c'est quoi le lien qu'il fait? Parce qu'il dit, ça sent tout le temps, il dit machin, le quartier par jour. Il dit, je vis au-dessus d'un kebab, c'est à cause de ça que les filles, parce qu'il rencontre des filles, mais elles ne reviennent pas, elles restent pas avec lui. Génial. Et on va se remettre en question sur plein d'autres trucs. Je vous le promets. Il nous dit tout le temps, il dit, mais non, tant que je vivrai au-dessus de ce kebab, je serai célibataire. C'est tellement drôle qu'il déménage. Je pourrais vous le passer à l'antenne qui vous le raconterait, Clément. Alors que moi, si elle cherche un coloc, c'est un truc que je recherche en fait. Peut vivre dans un kebab, ça tirait. Bah, mais dans le sandwich directement. Pour quelle raison vous êtes célibataire? Tiens, Ginger, je voudrais que tu réagisses. T'es célibataire. Oui. Parce que là, je peux pas demander à Pauline, elle nage dans le bonheur. Laure, évidemment, tant qu'elle sait pas qu'il la trompe, elle nage dans le bonheur. Mais enfin, toi, Ginger de l'équipe, tu es célibataire aussi. Selon toi, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Je vais vous demander au standard aussi dans un instant. Tout simplement parce que je suis trop indépendante en fait. Je pense que ça fait peur. T'es une single lady, toi. Exactement. Voilà. J'aime la compagnie, forcément. J'aime pas être solitaire, si tu veux, mais je suis quelqu'un d'indépendant. Moi, il me faut un peu ma liberté, mes soirées, mon truc. Et je peux comprendre que ça fasse peur, ouais. Je pense en fait, t'es pas prête à t'engager. Ah si, carrément. Mais j'ai besoin de mon espèce de liberté. Ça me paraît. Oui, mais si tu commences à dire je veux déjà mes soirées et tout, c'est que ça marchera jamais trop, Clément. Je suis pareil. On est prêt à s'engager, mais 2 jours sur 4. Attention, Nico du bureau, alors que tu es célibataire aussi, pas par choix. Hein. Non, enfin, c'est une décision commune qui a été prise entre son ex et son amant. En tout cas, il est célibataire. Et Nico, selon toi, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Eh ben, un peu à cause des filles comme Ginger, justement. Parce que au bout d'un moment, en fait, moi, j'aime bien les chieuses, en fait. Enfin, je trouve que les filles chieuses, elles ont un truc attachant. Ça devrait accrocher avec l'or, alors. Tu veux dire les filles, en fait. Mais sauf qu'au bout d'un moment, elles deviennent capricieuses. Ce que j'appelle les capricieuses, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, leur côté chiant ressort. Alors, je m'excuse, je vais pas me faire pardon, hein, mais il y a plein de filles qui sont en train de nous écouter, je le sais. Mais c'est vrai que les filles, vous avez un truc très bizarre. C'est que vous êtes belle, magnifique, tout en vous restez toujours belle, mais vous êtes gentille et tout, tu veux un truc et tout, machin, et on ne sait pas pourquoi. Oui. Au bout de 4 mois, oui. Vous arrivez, vous dites, ah, oh, tout va bien et tout, vous couchez comme ça, et vous réveillez, vous faites, au fait, je suis folle. J'avais oublié de te dire, je suis complètement folle. À partir d'aujourd'hui, t'es à moi. Je peux lâcher tout ce que tu fais plus rien. Et quoi que tu fasses, c'est que j'ai aimé, maintenant ça m'énerve. Touche à cette guitare, je te la fous dans le lion. C'est plus que ça. À 4 mois, vous switchez d'un coup. Et tu t'es couché à côté de la petite princesse que t'aimes depuis 4 mois. Et tu te réveilles à côté de la truc de ouf. Laure. Mais vous êtes amoureux, c'est foutu. Vous pouvez plus partir. On n'ose plus partir. On n'ose plus. Les amis, on va prendre plein de monde au standard. Dites-nous aussi sur les réseaux. Hashtag je suis célibataire parce que. Je crois que je sais pourquoi ce soir je suis célibataire. Moi. Si ma chérie entend ce que je viens de dire, je suis mort. Les amis, restez avec nous. 21 Pilots, voilà ce qu'on va écouter pour le pop rock électro. Je vous remercie vraiment et je vous remercierai jamais assez d'être si nombreux et si fidèles à l'écoute du Virgin Tonic chaque matin. Un point sur l'actu et on est de retour tout de suite avec vous. On vous lâche pas jusqu'à 9h. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une belle journée pour débuter la semaine. Ce sera d'ailleurs un ciel bien dégagé ce lundi sur l'ensemble du pays. À peine quelques nuages sur la pointe bretonne et le Cotentin. De belles éclaircies partout ailleurs. 20 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon et 24 à Marseille. Retour au calme au centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme. Les détenus ont regagné leurs cellules peu après 22h après l'arrivée sur place des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Des prisonniers avaient volé un peu plus tôt des clés à un gardien et tenté de mettre le feu à des matelas. Des dégâts et 2 surveillants blessés. La moitié de la ville de Salon-de-Provence plongée dans le noir hier soir en cause la présence de 2 adolescents hissés sur un pylône électrique. Les autorités ont été obligées de couper l'alimentation pour éviter le pire. L'un des 2 jeunes a toutefois dû être hospitalisé pour des brûlures. Les consultations devraient être au ralenti ce lundi dans les hôpitaux. Les médecins sont appelés à faire grève pour de meilleurs salaires et le respect de leurs heures de travail. Une grève massive pour aujourd'hui puis pour tous les soirs de la semaine avant une autre action prévu le 12 octobre. 5 jours après, Nicolas Sarkozy et François Hollande se rendent à Calais. Le chef de l'État y rencontrera les forces de l'ordre, les élus locaux et les présidents d'associations. Un déplacement de quelques heures ce matin sur le thème des migrants avec en toile de fond la jungle de Calais. Les Suisses ont dit oui à la surveillance électronique. 65% des électeurs ont voté hier en faveur d'une loi autorisant les services secrets à surveiller leurs échanges et leurs activités sur Internet. Objectif, tout mettre en œuvre pour déjouer la menace terroriste. C'est le grand jour pour les candidats à la présidentielle américaine. Hillary Clinton, 68 ans, face à Donald Trump, 70 ans. Les deux candidats s'affronteront ce soir lors d'un premier débat télévisé à 6 semaines du scrutin. Débat à suivre à partir de 3h la nuit prochaine sur iTélé. Un surfeur de 17 ans attaqué par un requin ce matin en Australie. Il a été blessé à la hanche et hospitalisé. Et cela s'est produit sur un spot de Ballina où toutes les plages ont été fermées. Il y a eu 98 attaques de requins l'an dernier dans le monde. C'est un record. Et c'est à La Réunion que les attaques mortelles ont été les plus nombreuses. En foot, la fin hier soir de la 7e journée de Ligue 1. Marseille s'est imposé 2 buts à 1 sur Nantes. Deuxième victoire de la saison pour l'OM qui s'éloigne de la zone de relégation à la 13e place. Nice a repris la tête du championnat en battant Nancy 1 but à 0. Saint-Etienne, Lille 3-1. Il y avait aussi les deux dernières rencontres de la 6e journée du top 14. En rugby, Montpellier a écrasé Brive 42-13. Toulon a battu Clermont sur le score serré de 23-21. Voilà pour l'actu. Très bon réveil. Les amis, on a créé un énorme débat entre les hommes et les femmes. Merci de nous rejoindre, peut-être tout juste à l'instant sur Virgin Radio. Si vous n'étiez pas encore avec nous, je vous explique ce qui se passe. On veut absolument de connaître vos raisons selon lesquelles les célibataires, et qui sont très nombreux à nous écouter, garçons comme filles, hein, selon vous, pourquoi est-ce que vous êtes célibataire? Peut-être parce que vous cherchez l'homme parfait. Peut-être parce que vous voulez trouver le bachelor. Et puis il y en a d'autres, par exemple mon pote Arnaud, c'est parce qu'il vit au-dessus d'un kebab selon lui. Je vous promets que c'est vrai. Dites-nous selon vous pourquoi vous êtes célibataire. Vous êtes nombreux au standard. Je vais vous prendre dans une seconde. Avant, je tiens à dire déjà auprès de toutes les femmes qui sont en train de m'insulter sur les réseaux, je plaisantais, mais à 4 mois, vous changez les filles. Je disais, de coup, tu te sais une princesse, une seule. Ah bah, c'est une folle. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu de sas de décompression, Clément. J'en ai un autre dans le même style. Je suis célibataire parce que je suis trop gentil. Vous aimez les bad boys. Bien sûr. Vous voulez toujours des princes charmants, mais le prince charmant, s'il arrive en vrai, vous voulez l'ennemi numéro 1. Mais surtout, vous ne trouvez pas les vraies raisons. Les femmes comme les hommes. Ginger, qui est avec nous chaque matin sur les réseaux, Ginger, il y a un instant, elle dit c'est parce que j'aime ma liberté. Mais la vraie raison, je vais te le dire moi, tu vis en coloc avec une dame de 80 ans qui est adorable. Si vous êtes des fidèles, je n'invente rien. Elle est vraiment en coloc. Ginger, les loyers sont hors de prix à Paris. Mais sa coloc a 80 ans. Bah oui. Mais comment veux-tu qu'un mec. Mais en vrai, je pense qu'elle aimerait bien que je ramène un mec de temps en temps, même plus sur les histoires et tout. Tu m'étonnes. Oh, petit garçon. Le petit Adrien. Arrête, Catherine, non. Bonjour. Oh, longtemps que je n'ai pas vu un beau petit jour. Mon petit Adrien. Oui, Nico du bureau. T'as mis le doigt là où il fallait. Quand oh, oh, mais c'est Catherine. Non, laissez la coloc de Ginger. Non, laissez la coloc de Ginger en dehors de ça. Je vais vous demander tout de suite au standard, au 3916. Alors, Nico du bureau, il met toujours les pieds dans le plat. Non, attention, les amis, je veux prendre Chloé au standard, au 3916. Vous êtes avec nous sur Virgin Radio. Ma Clo-Clo, comment vas-tu? Salut tout le monde. Salut. Ma belle, dis-moi tout, toi, selon toi. Alors, si tu m'appelles, c'est que t'es célibataire. Vous êtes très nombreux à réagir avec le hashtag. C'est ça. Hashtag, pourquoi t'es célibataire selon toi? Moi, je suis célibataire, je pense que c'est à cause de mes posters d'ado que j'ai encore. Ah bah oui. T'étais fan de qui, ado? En fait, j'étais abonnée à Star Club, donc j'étais sur les trucs de Beverly Hills. Je sais pas si tu vois. Mais t'as encore ça dans ta chambre? Brandon. Oui, j'adore. Ah ouais, quand même. C'est classe, Brandon et tout, Steve. Ouais, faut un peu grandir, ça. Je pense que ça aide pas non plus. C'est ce qu'on dit, c'est que des hommes viennent, mais après, ce que ça les fait revenir, je suis pas sûr, Ginger. Mais quel âge elle a, du coup, Chloé? 33 ans. Ça fait tard. Pauline, au standard. Mais attends, quand t'aimes, tu t'en fiches des posters, des machins, des trucs. Moi, il y a mais des quand trucs... t'aimes au début, ma chérie, c'est le premier soir qui vient, tu peux pas t'aimer en deux heures. Mais il y a des trucs plus existentiels, par exemple. Oui, voilà. Mais moi, j'ai une copine, par exemple, elle veut pas faire l'amour avant le mariage, donc elle est célibataire. Parce qu'elle veut sortir qu'avec des mecs fun. Et les mecs fun. Comment ça, fun? Bah, des mecs qui font la fête, qui sortent beaucoup et tout, mais pas l'amour avant le mariage. Ah ouais. Juste après au vin d'honneur, en fait, elle parle pas de son mariage. C'est à n'importe quel mariage, pas avant le mariage, ça décoiffe. Je veux demander à un garçon, tiens, Mathieu qui est avec nous au 3916. Mathieu, selon toi, pourquoi est-ce que t'es célibataire? Pourquoi? Parce que je pense que c'est parce que j'efface pas l'historique du navigateur, parce que je veux regarder tout ce que je veux à la télé le soir, et parce que je mate les filles. Eh ben, ah voilà. Bah voilà. Là, je peux pas te donner tort. Là, j'avoue que ça fait beaucoup. Oui, Laure. Mais tu vois, mon meilleur ami, pareil que toi, il veut pas être en couple parce qu'il dit qu'il aime trop les femmes. Il dit que c'est des. Bah ouais, c'est débile. Mais moi aussi, je trouve ça débile quand t'aimes les femmes. C'est trop beau. Bah, quand t'aimes les femmes, tu peux aimer une femme. Bah voilà, ça empêche pas d'aimer les hommes. On est d'accord. Mais non, mais tu peux aimer une femme plus que les autres et puis aimer toutes les autres. Ouais, aimer les femmes. Je suis d'accord avec toi, mais lui il dit qu'il aime trop les femmes et qu'il peut pas s'engager avec une seule, ça serait vraiment une trahison pour toutes les autres. Ok. Bah, écoute, c'est un peu prétentieux. Quand même. Bah écoute, tu passeras le bonjour à Enrique Iglesias. Apparemment, tu potes avec des sex symboles. Chloé, Mathieu, je vous embrasse très fort tous les deux. Restez avec nous, les copains. 21 Pilots, voilà ce qui arrive. On est un petit peu en retard et je m'excuse, mais c'est tout de suite la question de ouf. Question de ouf. C'est vrai que c'est tous les matins, hein, normalement, à 7h05. Là, on est un petit peu à la bourre, mais bon, on parlait de célibataire. Et continuez de réagir, on reprendra des gens à l'antenne. Je veux savoir pourquoi, selon vous, vous êtes célibataire. C'est génial de se faire son propre diagnostic. Clément, la question de ouf. La question ce matin, c'est quoi les pires questions en entretien d'embauche et qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors moi, c'était quels sont vos plus gros défauts? Franchement, vous voulez vraiment que je vous dise que je suis tout le temps en retard et de mauvaise humeur? Quelles sont vos prétentions salariales? Bon, donnez-moi 20 000 euros par mois, ça ira. C'est quoi la différence pour vous entre un travail et un métier? Aucune. Quoi qu'il arrive, il faut se lever pour venir bosser. Pourquoi devrait-on vous engager? Parce que je fais des colliers de trombone à merveille. Et le travail en équipe, vous en pensez quoi? Bah rien, j'aime pas les gens, mais bon, on va faire avec. Quels sont vos passe-temps? Bah qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux venir faire ton footing avec moi le dimanche? Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Bah ton avis, parce que j'ai besoin de thunes, pas pour le plaisir. Vous avez une fille et vous allez faire comment pour la faire garder si elle est malade? Bah écoute, je sais pas, je l'amène avec moi au travail, non? Ça te convient? Et si on vous demande de travailler le dimanche, ça ne vous dérange pas? Ah, à peine, j'ai que ça à faire le dimanche. Question de ouf. Merci pour toutes vos réactions, les amis. C'est lundi. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est le 26 septembre. Et tout de suite, on écoute les 21 Pilots sur Virgin Radio. Bon réveil. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Réveille à vous tous et belle matinée sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Vous nous avez choisi et vous avez sincèrement fait le bon choix. Il n'y a pas d'autre radio qui vous envoie à La Réunion un séjour d'une valeur de 6000 euros. On a déjà fait la Martinique la semaine dernière, La Réunion cette semaine. On vous offre des iPhone 7 tous les matins, on vous offre des PS4 tous les matins. On vous offre un loyer. Oui. Ça, c'est tous les jours, 6h20, 7h20 et 8h20. Vous vous inscrivez loyer au 7 12 13 par SMS. On aura déjà le deuxième tirage au sort dans quelques minutes et il n'est pas trop tard pour vous inscrire. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Et ça tombe bien parce que si vous êtes avec nous depuis 6 heures, on n'a pas encore eu le temps de faire quelque chose qu'on aime bien faire le lundi. Oui. C'est de noter notre week-end. Oui. Ouais. Donc les copains, alors on s'est un peu tous raconté ce qu'on a fait. On a eu plein de gens au téléphone. Mais là, je voudrais que vous me résumiez votre week-end en 3 points. Ok. 3 points. Mais un peu, pas forcément que les bons. Des choses que vous avez fait ce week-end, 3 trucs. Je le fais aussi. Et c'est Émilie avec nous, par exemple, au 3916, qui va nous donner une note à chacun. Ça va, Émilie ? Salut Camille, ça va super bien. Je suis ravie de t'entendre, ma belle. T'as passé un beau week-end, toi, déjà ? Excellent week-end. Et puis, contente d'être lundi, de vous retrouver. Bah, t'as un ange, nous aussi, on est très heureux. Attention, on va commencer par Clément. Clément, ton week-end en 3 points. Et Émilie, t'écoute bien, et c'est à la fin que tu donneras la note. Hein. 60 ans de mariage de mes grands-parents, donc on les a remariés. Pour de faux, c'était extraordinaire. Donc bien, 60 ans tout... ouais. C'est énorme. Ah, mais ils sont mariés tard en plus. C'est les noces de quoi? C'est les noces de. Diamant. Galère. Même pas. Non. C'est les noces. Diamant, je crois. Mais c'était cool. Du coup, j'ai vu toute ma famille et tout, ça c'était vraiment bien. Dimanche, j'en ai profité, j'ai emmené mes petits-neveux à la plage. Petite promenade à la plage. Ouh. Et du coup hier en rentrant 4 heures de lessive par contre. Ouais. C'est le seul truc parce que j'ai changé de tenue, j'ai fait des spectacles. Ah bah t'as fait des trucs, bah forcément. Donc voilà. Donc du cool et du moins cool. Ok, donc du cool et du moins cool. Ouais. Très bien. Je sens Émilie qui va te mettre une bonne note. Bah la Vendée, il fait beau, il y a les plages magnifiques. Mais ça va, on connaît la Vendée. Pauline du Standard, tiens, qui pour une fois n'est pas allée à Bordeaux. Non, je suis restée à Paris. Ah, ça arrive, elle a tous les week-ends normalement à Bordeaux, mais Willou la cartouche est montée. Oui, il est monté. Ton week-end en 3 points. Alors moi j'ai mangé avec mes copines à l'entrecôte, mais je mange pas de viande, donc c'était chiant. Enfin j'ai mangé de la salade. Et comment une végétarienne va manger dans un restaurant qui s'appelle l'entrecôte? Mais c'est ridicule. Je vais y aller, j'allais pas faire changer tout le monde, c'est chiant. Moi vous savez, je suis pas végétarien, j'aime pas trop les nouveaux plats. Si demain il y a un resto qui s'appelle le tofu, mais j'y vais pas. L'artichaut, alors. Mais surtout comment une fille qui aimait autant la viande d'un coup est devenue végétarienne? Eh ben moi je trouve ça bien, elle a plus de courage que moi. Une prise de conscience avec les animaux, les trucs. C'est pas bien, c'est bien de le devenir. Moi j'ai pas le courage, j'aime trop les lasagnes. Mais en vrai, je vous jure, mais je suis vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, sauf Pauline, mais tous les autres, j'ai énormément de respect. Pauline, donc resto l'entrecôte. Voilà, samedi soir, on est allé à un concert de jazz avec William et j'ai fait que bailler parce que c'était long et je comprenais rien. Et après, vous comprenez rien quoi au jazz? Non, à comprendre. Non, là, ça raconte pas une histoire. Hein. Non, mais c'était. Est-ce que vous voyez, il y a le jazz qu'on entend un peu partout, il y a le jazz en concert de jazz, où en fait c'est complètement décalé, les tempos, c'est n'importe quoi, il y a un mec qui se met à la batterie, il fait n'importe quoi, enfin c'est un peu improbable. Ouais, enfin faut aimer la mélodie, moi j'ai l'oreille absolue, donc c'est vrai que j'arrive vite à comprendre ce qui arrive, mais j'ai pas compris un concert de jazz, c'est la première fois que j'entends ça. Et après, voilà, j'ai nettoyé ma salle de bain tout dimanche, parce que j'avais envie qu'elle brille, et elle brillait, et franchement c'était un sens hyper agréable. Ouais, ça c'est grave. Elle brille. Tu peux faire ce que tu veux, tu nettoies un truc, t'es tellement fier de toi. Ma petite Laure. Alors moi, Juju m'a fait rêver ce week-end. Il m'a fait un week-end romantique cocooning de dingue. Donc vendredi soir, dîner aux chandelles champagne. Vraiment, il m'a fait la totale. Samedi, il m'a offert la robe dont je rêvais depuis si longtemps. Lui, il a dû faire une connerie. Que j'ai. Non. Excuse-moi, pardon. Hein, je connais un petit peu les mecs. Autant de choses en un week-end. Il y a une connerie qui te pend au nez. Non, c'est parce qu'on s'était pas retrouvé seul depuis très longtemps. Il avait vraiment envie de marquer le coup. Parce qu'on s'est un peu disputé deux jours avant. Donc la robe qu'il m'a offert, je l'ai déchirée dans la demi-heure qui a suivi. Donc j'étais un peu dégoûtée. Voilà. Donc ça, c'est le petit bémol du week-end. Et sinon, on a passé la journée d'amoureux dimanche au lit, massage. Enfin, la totale, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais c'était vraiment bien. On est passé. C'est dommage, j'aurais passé plus de temps sur le massage, un peu moins sur le reste. Moi, mon week-end en 3 points, je rappelle, Émilie va donner les notes à chacun dans un instant. Week-end en 3 points, j'ai changé la poule des toilettes. Oh, génial. 6 mois que je devais le faire. Bravo. C'est pas mal, hein. Merci. Ma douche s'est bouchée, je l'ai débouchée. Ah bah, dis donc. Et j'ai fait ce qui est très rare, j'ai fait 3 McDo dans le week-end. Oh. J'avais envie de McDo, j'ai mangé des McDo. C'est alors mal. Forcément, ça fait moins rêver que le week-end de l'or, mais bon, moi je trompe pas ma femme, donc j'ai pas besoin d'organiser des massages dans la chambre. Alors, le week-end de chacun, mais parce que vous vous rajoutez en belly, moi, en vrai, mon week-end, 3 McDo, c'est rare, parce que vraiment, je crois que je mange un McDo par mois, et là, j'en avais 13 ans. Émilie, ma belle, c'est parti. Quelle note tu donnes déjà à mon week-end? Émilie vient de raccrocher.

Et c'est très drôle parce que les filles qui nous écrivent sur les réseaux, c'est beaucoup ouais, je suis un peu perfectionniste, j'aime un homme amoureux, j'aime un homme qui est romantique. Et les garçons, c'est beaucoup parce que je pue des pieds. C'est beaucoup plus terre à terre chez les hommes. Et puis aussi parce qu'on s'est amusé à raconter tous notre week-end. On le fait tous les lundis avec l'équipe, vous qui êtes des fidèles de l'émission. Et quelqu'un doit nous mettre une note. Oui. D'accord, on les a racontés il y a quelques minutes. Et on a perdu Émilie il y a quelques secondes qui est de retour. Salut Émilie. Oui, coucou Camille, je suis là. Émilie, j'ai eu très peur parce que juste après que je finisse mon week-end, t'as raccroché. Oui, mais il était bien pourtant. Alors ma chérie, attention, très rapidement, tu mets une note à chacun. Quelle note pour mon week-end? Alors toi, je te mets 15, Camille. 15? Wow, ouais, change à peine. Changer une ampoule. Le McDo. J'ai fait 3 McDo et j'ai débouché ma douche. Ah ouais, mais on sait que c'est pas les moments les plus plaisants, mais on est très fiers une fois qu'on l'a fait. Quelle note c'est tu mets alors? Efficacité. Bah voilà. T'es gentille, ma chérie. Combien tu mets alors? Alors Laure, je vais lui mettre 18. Je voulais lui demander si elle le louait à l'occasion, Juju, parce que franchement, moi je le prends. Maintenant, il est gratuit. Oh, et dis donc. Non, mais en vérité, s'il faut qu'il me trompe pour avoir ce genre de week-end, je me pose des questions quand même. Alors, je rappelle, un week-end magnifique, hein, de massage et tout machin. Franchement, bravo. Clément, quelle note pour Clément? Alors, Clément, ce sera 16, parce que franchement, 60 ans de mariage, chapeau, c'est beau, c'est voilà. Donc moi, j'y 16. Suis pour rien, mais. Ouais. Mais, alors, mais c'est un beau week-end, du coup, plein d'amour. Très beau week-end. Tu m'aurais mis moins que le McDo, ça aurait été un manque de respect pour ma famille. Surtout, je vous cache pas que. Moi, j'étais très content de mon 15, mais je me rends compte que j'ai la moins bonne note pour moi. Pauline, quelle note pour Pauline du standard? Alors Pauline, je suis désolée, je vais descendre à 12. Ah bah, ça va. C'est 12. La moyenne. Hein. Bah ouais. Oui. J'ai l'impression que Pauline se serait pas mis plus. Hein. Non, je me serais pas mis plus. Hein. Eh bah, écoutez, t'as pas fait rêver son week-end. Et franchement, et sans suspense, hein, vous imaginez des massages, des dîners romantiques et bah tout. Oui. C'est l'or qui a eu le meilleur week-end. Merci. Surtout que le vôtre a été bien, les copains. Et oui, puisque tout de suite, en tout cas, on va bien vous faire démarrer la semaine. On passe déjà au deuxième tirage au sort pour le loyer. Je te fais plein de bisous, ma petite Émilie. Loyer au 7-12-13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Un SMS suffit. On tire au sort. Je vous rappelle en direct. Je vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Vous me répondez Virgin Radio. On vous rembourse votre loyer ou votre mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. On vous fait un chèque, vous le dépensez comme vous voulez. Allez, soyez joignables, on appelle toutes les heures, c'est en anonyme. Allô? Vous qui êtes peut-être en voiture? Vous qui êtes peut-être non, tout juste... Non, non. Vous qui êtes peut-être déjà arrivé au travail, vous qui êtes peut-être tout juste en train de vous réveiller. C'est Nathalie, non. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Nathalie, ma belle. Je suis à la maison, oui. T'es à la maison encore? Oui. Nathalie, ma belle, j'ai une question importante pour toi. Oui. Je pense que t'as compris à peu près ce qui était en train de se passer. Donc ne te plante pas s'il te plaît. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. La tounasse. Oui. Oh, tiens, oui. Tu viens d'où, Manat? Oui. Tu viens d'où, ma chérie? Rivesaltes. Rivesaltes, c'est oui, dans les Pyrénées-Orientales. Oui, oui. Ah, Pyrénées-Orientales, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis à la maison, je m'occupe de mes filles. Oh, t'en as combien? 15. Deux. Deux enfants, d'accord. Ils s'appellent comment, ma petite Nat? Julie et Chloé. Julie et Chloé, Juju et Chloé sont amis pour la vie. Ouais. Nananana, câlin et fantaisie. Nathalie, je suis très heureux. Vraiment, tu me donnes le sourire. Ben je suis content de t'entendre. Maman au foyer, c'est tellement un beau métier. Ouais. On en a souvent un qui gagne le loyer le matin. Mm-hmm. Et on est très heureux que vous nous écoutiez à la maison. Ma petite Nat? Oui. T'as un loyer de combien à Rivesaltes? 1100 euros. Enfin, c'est un crédit que je fais pour l'appartement. Je comprends. Ma chérie, je l'ai dit, hein, vous êtes proprio, ça marche aussi. C'est remboursé. Voilà. Chèque de 1100 euros pour toi, ma belle. Ouais, ben dis donc, Eh ben je suis content. Tu rejoins Charlie qu'on a eu à 6h20, qui a eu un chèque de 850 euros. Ça fait quasiment déjà. D'accord. Et il reste un tirage hein, à 8h20, vous le savez. Ça fait déjà en deux tirages à peine 2000 euros. Déjà en deux tirages à peine 2000 euros de loyer offert par Virgin Radio ce matin encore. Oui, Nico du bureau. Je cherchais pourquoi je connaissais Rivesaltes. Il n'y a pas du Musca là-bas? Oui, il y a le Musca. Et voilà. Le Musca, c'est de l'alcool. Musca de Rivesaltes. C'est du vin cuit un peu, ouais, c'est très bon. Oui, c'est très bon, ouais. Eh ben voilà. Faut pas trop en boire. avoir, mais bon, ça va. Eh bah écoute, si tu veux nous en avoir. Ah, mais ce sera avec plaisir. Avec Laure, on boit pas beaucoup, mais dans l'équipe, il y a ce qu'il faut, t'inquiète pas. Oui, Laure. Oui, mais je crois que c'est le seul vin que j'aime bien, parce que c'est un peu sucré, non? Oui, très, très, voilà, oui, ça j'adore. C'est un vin doux sucré, en fait. Bien sûr. Merci. Merci, ma petite Nat, en tout cas. Ben, merci à vous, et puis bonne journée à tout le monde. Ben, t'es un ange. T'es un ange, ma chérie. Embrasse tes deux petits bouts. Voilà, deuxième gagnante du loyer. Déjà, c'est Nathalie. Et donc, un tirage encore dans une heure. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et même si vous avez payé, même si vous habitez pas dans une région, vous pouvez nous envoyer du pinard. Ça marche. Rassurez-vous, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez gagner. Reste avec nous sur Virgin Radio. On écoute tout de suite Coldplay, Him for the Lundi. Hi, this is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Virgin Radio. To lift me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, you came to rescue. C'est lundi, c'est le 26 septembre. Aujourd'hui, courage à vous qui êtes en voiture. Hein, je le sais, nombreux déjà à déposer les enfants à l'école. Voilà, bon courage aussi aux collégiens, aux lycéens qui nous écoutent chaque matin pour partir, redémarrer cette nouvelle semaine. Il y a Laure, il y a salut. Clément. Salut. Il y a la popo du standard. J'ai plein d'infos à vous donner. Ouais. Parce que bon, dans un instant, bien sûr, point sur l'actu, comme tous les matins, à 7h30. Mais avant, je vais vous donner une info qu'ils ne vont pas vous donner. Les bougres, nos bougres de journalistes. Sachez qu'une étude nous vient du Huffington Post. Ça vient de l'université du Michigan qui nous dit que les gens qui se couchent tard, peut-être que vous êtes endormis très tard, auraient un QI plus élevé que la moyenne. Oui, paraît-il. Ouais. Vous vous couchez tard. Je vous fais très simple. Oui. Vous couchez tôt, moins de QI. Vous couchez tard, plus de QI. Alors, c'est pas le fait de se coucher tard qui donne du QI, c'est juste que les gens qui ont plus de QI... Eh ben oui, ça cogite. Ah, oh là là, d'accord. Qu'est-ce que je vais dire à mon patron demain? Comment changer ma voiture? Ben, le prêt, le machin, machin. Comment tromper ma femme? Ce genre de réflexion un peu, voilà. Ça empêche de dormir et donc les gens qui se couchent tard ont un QI plus élevé. Nico du bureau qui se couche vraiment à l'aube, hein. Ouais, exactement. Mais ça va complètement à l'inverse du dicton. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mon père m'a toujours dit ça toute ma vie. Et je pense effectivement. Vous êtes le fils de Sarkozy? Pas du tout. Mais non, mais c'est vrai que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt généralement, et tous ceux qui ont des grandes carrières, etc., se lèvent très tôt, 5h. Bah, c'est vrai, il y a plein de gens qui nous écoutent, voilà, qui commencent très très tôt. Pauline au standard. Et bah, mon père a un QI très élevé, il se couche tard et il se lève très tôt. Il dort 2-3 heures par nuit. Il a un QI très élevé. Et très voilà, lui il fait la France qui se lève tôt et qui se couche tard. Voilà, exactement. Exactement. Clément. Non, mais je suis exactement comme son père, enfin physiquement non, mais on est exactement pareil. Pourtant, j'ai pas un QI de ouf, mais je fais ça. Faut pas dormir beaucoup. Tous les reportages que tu vois sur les écrivains, ils écrivent la nuit, on voit jamais un écrivain à midi dire je vais à la cantine. Les écrivains, ça va pas à la cantine. Oui, mais enfin, la journée, ça boit du brandy là, dans leur salon, ils sont aussi tranquilles. La journée, l'or. Moi, je me couche hyper tôt et j'ai un hyper gros QI. Non, mais c'est vrai, moi, j'assume. J'ai un super gros QI. Non, mais en vrai, ça veut pas dire que t'es intelligent d'avoir un gros QI. Hein. J'ai un gros QI. Vous savez ce qu'on fait? Vous restez avec nous. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'amuser à enlever le I à la fin de toutes les phrases de Laure. Et on va voir ce que ça fait. On va s'amuser à monter ça. On met toutes les équipes dessus. Tout ce que vient de dire Laure, vous enlevez le I à la fin. Je pense qu'on va rire. Restez avec nous sur Virgin Radio. On revient dans un instant. Avec LP, un très beau QI aussi. Lost and You, restez avec nous. On est dans le Virgin Tonic. Très très bon réveil à vous tous. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, quelques gouttes sur la pointe bretonne, mais dans l'ensemble ce sera un temps très agréable aujourd'hui sur tout le pays, de belles éclaircies à l'image de la semaine d'ailleurs, qui va rester bien ensoleillée. 20 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 22 à Lyon, 23 à Bordeaux et 24 à Marseille. Des détenus ont refusé de regagner leur cellule hier soir au centre pénitentiaire de Valence. Ils ont dérobé un jeu de clés à un gardien avant de tenter de mettre le feu à des matelas. Il y a des dégâts sur deux étages et deux surveillants ont été blessés, mais tout est rentré dans l'ordre dans la soirée. François Hollande se rend ce matin à Calais, un déplacement de quelques heures, le premier de son quinquennat, à 5 jours après la visite de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a rappelé ce week-end sa volonté de démanteler entièrement la jungle de Calais. Les médecins appelés à la grève aujourd'hui dans les hôpitaux, ils protestent contre leurs conditions de travail, pour de meilleurs salaires et aussi pour dénoncer la pénurie de praticiens. La grève se poursuivra tous les soirs de la semaine avant une prochaine action le 12 octobre. La publication à 18h ce soir des chiffres du chômage pour le mois d'août. La tendance est à la baisse depuis le début de l'année, mais l'UNEDIC s'attend à une dégradation pour 2017. 79 000 chômeurs de plus l'an prochain. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception. La presse en profite pour rappeler qu'il n'y a pas que la pilule pour éviter de tomber enceinte. Il y a aussi le stérilet, y compris pour celles qui n'ont jamais eu d'enfant. Et l'implant introduit sous la peau, totalement invisible et bien remboursé par la Sécu. Il est même gratuit pour les mineurs. Le premier débat, Hillary Clinton-Donald Trump cette nuit aux États-Unis. Vous pourrez le suivre à partir de 3h en direct la nuit prochaine sur iTélé. Un débat très attendu par les Américains à 6 semaines du scrutin. L'événement pourrait rassembler jusqu'à 100 millions de téléspectateurs. Snapchat change de nom pour devenir Snap tout simplement. Le site aux 150 millions d'utilisateurs quotidiens va aussi lancer ses premières lunettes. Des lunettes connectées, baptisées Spectacle et attendues dès cet automne aux USA à $130 seulement. Les spectacles seront dotés d'une caméra grand angle pour capter des vidéos de 10 secondes. Des LED s'allumeront pour signaler l'enregistrement en cours. Le foot, l'OM se rebiffe à la une de l'équipe ce matin. Marseille a signé sa deuxième victoire de la saison, 2-1 hier face à Nantes. L'OM s'éloigne ainsi de la zone de relégation à la 13e place du classement. Nice a repris la tête du championnat à l'issue de cette 7e journée de Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0 à Nancy. Enfin, Saint-Etienne a battu Lille 3-1. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec Virgin Radio. À tout à l'heure. Et bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez tout juste, il se passe plein de choses depuis le début de l'émission. On a encore des cadeaux magnifiques à vous offrir, mais là je suis pas content. Pourquoi? Sur le générique, Pauline n'applaudit pas. Non, j'ai pas fait le... On remet chut. On remet le générique, Pauline toute seule. Allez, y a pas de raison. Elle est punie. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Voilà. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. recopierait 300 fois. On applaudit sur le générique. D'accord. Et vous oublierez de me le demander. On fait pas les applaudissements buissonniers. On applaudit, Clément. J'ai entendu pour la première fois ce week-end l'émission, mais sans être dans le studio, en voiture, et ça rend super bien le clap clap. Ouais. Parce que nous, on savait pas, on était dedans, on s'en rend pas compte. Mais de chez moi, c'était cool. Merci, Clément. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, je me suis fait la remarque. Clément, il adore ce qu'il fait. J'ai écouté pour la première fois ce week-end l'émission parce que je l'écoutais en podcast et je trouve les réponses à tout. La question de ouf. Et le gars qui intervient de temps en temps, mais alors il est marrant. J'ai vu en photo pour la première fois les photos de l'équipe, le roux là, un peu mal rasé avec les cheveux frisés. Je sais pas qui c'est, faut qu'il fasse du cinoche. Je l'adore. La photo génie du monde. Tu deviens l'or. Les amis, on est sur le coup, rassurez-vous. Peut-être que vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes avant le flash. Laure nous a annoncé qu'elle avait un très beau QI. J'ai un QI énorme. Énorme. On va s'amuser à reprendre la même phrase en enlevant le I. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Bienvenue encore à vous tous qui ouvrez les yeux. Bienvenue à vous tous qui êtes en voiture. Prudence, il y a déjà énormément de bouchons à cette heure-ci, je sais, partout en France. Eh ben, prudence et courage, voilà, pour la route. Nous, on vous accompagne jusqu'à 9h avec LP pour le pop-rock électro dans un instant. Et tout de suite, un moment que Clément adore. Ah oui, ah, j'adore. Mais il adore, hein, c'est le réponse à tout. Hein. Pas parce qu'il le fait, parce qu'il s'adore. Ah oui, ah oui. Réponse à tout. Même le week-end, descend dans la rue et pose des questions uniquement aux enfants entre 7 et 10 ans et qui ont toujours beaucoup de réparties, se font jamais piéger. Excuse-moi, j'étais dans ma voiture pour écouter le jingle, là c'était génial aussi. La question que je leur ai posée ce matin avec un talent incroyable, c'est qu'est-ce que tu ferais pour punir tes parents ? Si au lieu de vous gronder, c'est vous qui pouviez gronder vos parents et les punir, vous les priveriez de quoi ? Du téléphone. Ma mère, je la priverais de sa lecture du soir. Et mon père, quand il regarde la télé le soir. De trop travailler le soir. Les réseaux sociaux, parce qu'ils sont trop vieux pour aller dessus. T'as un âge ? Oui, faut être jeune, avoir moins de 35 ans. Quoi d'autre comme punition ? Je leur priverai de leur voiture pour partir faire des tours en ville avec. Ah oui, c'est pas tu leur prives, c'est tu leur voles. C'est ça. Et imaginez, c'est soit votre père, soit votre mère, soit vos parents. Vous avez le droit de les engueuler, ça donne quoi ? Maman, t'arrêtes de fumer et t'arrêtes de gueuler au téléphone. Va dans ta chambre et va en cours à ma place demain matin. Arrêtez de me punir tout le temps. C'est pas ma faute, c'est la faute de mon frère. Et privé de dîner. Bon, maintenant, maman, tu vas faire tes devoirs. J'en démarre, hein. Les devoirs, il y a un moment pour travailler, un moment pour se reposer. C'est les devoirs, maintenant. Réponse à tout. Merci les enfants, surtout à celui qui m'a détruit, puisque maintenant j'ai 35 ans et apparemment je ne peux plus, je n'ai plus ma place sur les réseaux sociaux. Avec le nombre de fois où j'ai raconté quand même que les mamans ont détruit Facebook, c'est-à-dire que tout le monde adore, et puis une fois que les mamans sont arrivées, on a fait bon, ok, il faut autre chose. En fait, moi aussi. Tu vois, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Ouais. D'un coup dans l'aile. Ouais. Oh, bonjour les enfants. Oh, j'ai pris 10 ans en 2 secondes. Les amis, merci de nous avoir choisis. On va écouter LP tout de suite pour le pop rock électro. Dans un instant, vous vous inscrivez là maintenant. Appelez-nous vite au 3916, il vous reste 3 minutes à peine. Dans un instant, les garçons, le pack PS4 avec le tout nouveau FIFA 2017. Yeah. Cool. Personne ne l'a encore, évidemment, avec Clément, bon, c'est notre passion absolue, oui. Passionnata du jeu. Mais là, on vous l'offre en avant-première, les copains. Il suffit de nous appeler au 3916, c'est le grand retour de l'IKEA Game. Bon réveil à vous tous sur Virgin. Plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost. lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. Sur Virgin Radio, j'espère que ça va bien pour vous. C'est lundi, beaucoup de courage les copains. Bah ouais, surtout à cette heure-ci, je le sais hein, vous êtes en voiture, peut-être bah, pour les plus chanceux encore à la maison, sous la douche, au petit-déj. Et en tout cas, prudence hein, si vous êtes déjà sur la route ou dans les transports. Les amis, on a des cadeaux magnifiques hein. Séjour à La Réunion à offrir. Des iPhone 7, ce sera dans quelques minutes hein. Avant 9h, on partira pas le matin, tous les matins de la semaine, sans vous offrir un iPhone 7. Et puis pour vous tous qui nous écoutez là maintenant, et pack PS4 avec le jeu FIFA 17, on joue à l'IKEA Game. IKEA Game. J'ai reçu le catalogue d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, moi le aussi. Fameux catalogue IKEA, le cauchemar des hommes, le rêve des femmes. Ah, le rêve. Ah, je te jure. Ma chérie, le feuillette, on dirait quand t'es petit, que t'as 9 ans, tu feuillettes le calendrier Jouet Club. Tu vois, elle est comme une dingue, elle repère tout. Oui, Laure. Tu sais que parfois je casse des trucs juste pour aller chez Iker. Je te jure. Chez moi, non. Je casse des assiettes. Et les assiettes sont cassées, il faut aller chez Iker. Sérieux? Je te jure, j'aime trop Iker. C'est ridicule. Mais c'est pas possible. Mais je te promets. Tu casses des objets? Ouais, ça peut m'arriver, genre vraiment de casser un truc pour dire il faut que j'aille chez Iker. C'est pas cher, tu vois, un petit truc. Oh là là, les amis, tiens, on a un garçon avec nous. Alors, et les filles peuvent s'inscrire aussi, mais on va l'offrir tous les matins. J'imagine ça intéresse un peu plus les garçons. PS4 avec le jeu FIFA 17, c'est David qui est avec nous. Salut David. Salut Camille, comment vas-tu? Ça va très très bien, mon pote. Merci de nous être fidèles. Hein. Je sais que c'est pas simple le lundi, donc voilà, tu prends le temps de nous appeler. On va te faire, j'espère, un beau cadeau. Pour ça, mon d'accord. David. Il va falloir que tu reconnaisses deux chansons. Sauf qu'à la place des paroles, d'accord, on a remplacé, et tout est vrai, pas une liste de meubles, de voilà, de choses, de lampes, de n'importe quoi, de tapis, en tout cas d'articles qu'on peut acheter chez Ikea. Tout est vrai. C'est d'accord. Que des articles de chez Ikea. Et il faudra que tu reconnaisses, rien qu'à la musique, l'artiste original, d'accord? Eh ben, allons-y. Eh ben, écoute, je te souhaite bonne chance. Attention. On y va? On y va. C'est parti, bonne chance. Tout est chanté en direct, bien sûr. Alkom, Bloss, Wehrmacht, Bestak, Knüpp, Grüntal, Medj, Sangen, Gnotu, Ulm, Irving, Ken, Mulling, Malmo, Meg, Joe, Varmuth, Omlou, Besta, Frega, Pax, Björn, Borg, Scoop, Scoob, Darmel, Intra, Dag, Fintor, Tentor, Tilsula, Fintor, Tentor, Tintula, Ludwig, Albo, Beckman, Lut. Björn Borg, oui. Ouais, celui-là, ouais. Mais non, mais le problème, c'est que ce jeu, il est très long à préparer parce que tu te balades sur le site, tu fais, hey, c'est pas mal, ça s'irait peut-être bien dans le salon, ça, c'est cool. Du coup, il y a des trucs, j'ai dû mettre voilà, oh là là. Du suédois, quoi. Je vous promets, tout est vrai. Alors, Ikea, c'est une marque suédoise, c'est que des meubles, donc ça doit vouloir dire table de chevet en suédois, du volume, j'imagine. Mais le petit Björn Borg, on l'a entendu. Un grand tennisman suédois à l'époque, bien sûr. Mon petit David, est-ce que tu as reconnu l'artiste original? J'ai mis un peu de temps, je l'ai, moi. Eh ben, je l'ai, il me semble qu'il vient d'une très belle planète, monsieur Bruno Mars. Bjorn Borg, Edinastas. Il m'a vraiment pris le compte. Oh là là là. Alors, très bonne réponse de David. T'en manque plus qu'une. On y va. Deuxième extrait. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio, c'est l'IKEA Game. Des paroles de chansons remplacées par des meubles IKEA. On y va. Bec tes frumes. Tu vas siglaris bi ma lune, zweitir voda badix, bili bec tes frumes. Bien maf. Sparta fabricortra tag, gazen viten la borg, bili nut. La Borg, c'est ? La Borg, je crois que c'est une table basse. La Bjorg. B-J-O-R-G. Ouais. Ah, excusez-moi, parce que je suis un peu pointu en Ikea. Ah, Clément, Catherine Laborde, j'imagine ? Pas du tout. Non. Je vais dire, c'est le nom de la Miss Météo de. Oh, Catherine Laborde. C'est ce que je sors. Faut qu'on se voit moins, Clément. Ouais. Vraiment, faut qu'on se voit moins. Attention, David, en 16. C'est marrant, on n'a plus besoin de parler, le regard suffit. David, mon bichon. Je suis toujours là. Ouais, non, j'ai, il me semble avoir trouvé, c'est une super chanson. Je crois que c'est Alicia Keys, je crois. Eh ben, mon pote, je vais te dire un truc, c'est Alicia Keys. T'as aussi trouvé Bruno Mars. Magnifique. Ça fait deux bonnes réponses. Tu gagnes, écoute bien, grâce à EA Sport, it's in the game. Et Virgin Radio, un pack PS4 avec le jeu FIFA 17. Mon pote, on est très heureux de te faire ce cadeau. Eh ben écoute, c'est super parce que je crois que c'est mon fils qui va être content avec ça aussi. Mais grave, le jeu est même pas encore sorti. C'est hallucinant. Hallucinant. Eh ben, c'est un super cadeau pour commencer la semaine. Merci. Eh ben beaucoup. Écoute, je suis très heureux, mon David, je t'embrasse très très fort. Félicitations. Restez avec nous sur Virgin Radio. Ça fait un petit moment qu'on en a pas encore parlé. Je veux les raisons selon vous pour lesquelles vous êtes célib. On lit tous les messages. Ouais. On va vous rappeler en direct au 3916. Hashtag je suis célib parce que, selon vous, pourquoi. Et puis, je rappelle, hein, Laure, ça y est, on a tout là. Dans un instant, restez avec nous. Puisque Laure nous annonçait qu'elle avait un énorme QI. Ouais. Et on s'est amusé à enlever le I à la fin de toutes ses phrases. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est très très drôle. Ne bougez pas, on revient le temps d'écouter Calvin Harris. How deep is your love. Bon réveil sur Virgin. Virgin Radio. Virgin. Virgin. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? Devotion, are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer again. How deep is your love? C'est lundi aujourd'hui, beaucoup de courage à vous tous qui démarrez cette nouvelle semaine. On est là en tout cas pour vous accompagner 6h, 9h chaque matin avec Clément, avec Pauline et avec la petite Laure. Ouais. Et alors je vous le promets depuis tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. On n'a même pas eu le temps d'écouter, on va le découvrir en même temps que vous. C'est qu'on parlait tout à l'heure de QI, on apprend que quand on a beaucoup de QI, en général on a tendance à se coucher plus tard. Ouais. Voilà. Et Laure nous disait que, rappelle-nous, J'ai un énorme QI. Elle nous a fait une grande phrase et je me suis dit, tiens, si on essayait d'enlever le i dans la phrase pour voir ce que ça donne. Attention, Laure qui nous fait des révélations sur elle-même. Je vous en parle depuis tout à l'heure, on écoute tout de suite. Laure. Moi, je me couche hyper tôt et j'ai un hyper gros QI. Non, mais c'est vrai, mais j'assume. J'ai un super gros QI. Non, mais en vrai, ça veut pas dire que t'es intelligent d'avoir un gros QI. Hein? J'ai un gros QI. Vous êtes vraiment des gamins. Ah, oh, je suis content. Vous voyez, comme quoi, des fois, l'humour, ça se joue à un i. Ça se joue à pas grand-chose. Merci de nous avoir choisi les copains si nombreux chaque matin. Calvin Harris. DJ Snake, pardon. Oh là là, je les ai confondus, pardonnez-moi. DJ Snake, voilà ce qui va arriver pour le pop rock électro dans un instant. Quoi qu'il arrive, je sais que ça va vous donner le sourire. Et puis un autre moyen d'avoir le sourire, c'est de gagner votre loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire, n'hésitez pas. Prochain tirage au sort et le dernier de la matinée déjà, c'est à 8h20 en exclu sur Virgin Radio. Annuaire de référence pour trouver un coiffeur. 118-712.fr MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour, Miss MAF. Alors, moins cher. Mais encore. Encore moins cher, mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clique Ma Photo sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clique Ma Photo et claque moins 15%. Avec Clique Ma Photo, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est LAMAF.fr. Et l'écart moyen de tarif entre le contrat Clique Ma Photo et le contrat Automaf. Contrat consultable sur maf.fr. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit. Tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Paradis. Un petit peu toi et moi. Je sais pas. Retrouvez toi et moi sur l'album de Paradis. Toi et moi. Paradis, premier album. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération Super Pouvoir d'Achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les Super Pouvoirs d'Achat. Va, mon héros, va chez Leclerc. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20GB est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20GB à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de joindre votre conseiller jusqu'à 22h. Et libre d'effectuer vos opérations bancaires 24h sur 24. Libérez des horaires en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80€ offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre, des services et des horaires sur boursorama-banque.com. Virgin Radio. Virgin Radio. Se dessine. Courage, c'est fort. Où rien ne respire. Corps contre corps. Ciel contre cime. La forêt se tord. L'horizon soupire. mets sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent. Amoureux de l'ombre et du pire. Ah. Si demain tu regrettes le miroir écorché, que le lac te reflète, promets-moi d'oublier t'aimer sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent. Amoureux de l'ombre et du pire. Bah oui, rien de mieux pour se réveiller que nous écouter chaque matin, 6h, 9h, vraiment, je sais qu'il y a tellement de radios, vous avez tellement zappé, changé de radio pour venir nous rejoindre de plus en plus nombreux chaque matin. Je voudrais vraiment encore vous remercier, c'est notre troisième année ici, ouais. Et grâce à vous, voilà, on est très très heureux vraiment de se réveiller chaque matin avec Laura, salut, avec Clément, bonjour, avec Pauline, coucou, avec vous tous au 3916 et sur les réseaux, parce qu'on a besoin de vous depuis ce matin. Qu'est-ce que vous nous faites marrer? On vous a demandé de réagir, tous les célibataires, de nous donner la raison selon vous pour laquelle vous êtes célib. Hashtag je suis célib parce que les filles en général je suis trop romantique, les garçons je suis trop crade. On va faire simple, c'est à peu près ça. On vous a rappelé au 3916, on va vous passer au standard. Oui Laure. Moi ma copine Karine elle est célib parce qu'elle se couche à 21h. C'est une bonne raison, hein, ouais, c'est une bonne raison. Ah ouais, bah c'est vrai que toi t'es avec Juju, tu te couches très tôt. Je me couche très tôt. C'est vrai que si tu l'avais pas rencontré avant, ce serait pas simple. Bah franchement, ouais, je sais pas comment j'aurais fait. Ah oui, parce que à 19h, il y a plus personne. Bah, c'est pas simple. Bah oui. Oui, Nico du bureau. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais en fait, au final, on reste célib aussi parce que nous les garçons, on ne change pas, alors que vous les filles, vous changez. Non. Oh là là. Ah, si. Nous les garçons, on a du mal à changer, alors que vous les filles, vous voulez absolument nous changer. Et oui, ouais. Oui, Clément. Je pense représenter un paquet de célibataires parce que j'ai un idéal. En fait, à chaque fois que j'entends une fille, je me dis, je rêve un peu de quelqu'un. Je me dis, je vais la rencontrer. Et du coup, les autres, elles sont très bien, mais je m'arrête pas. J'ai cassé l'ambiance. Non, pas du tout. C'est-à-dire, tu veux absolument la femme de tes rêves. Voilà, je sais à peu près, je sais qu'elle arrivera et tout. Et du coup, il y en a. Mais il faut être indulgent parce que. Tout à fait. Est-ce que tu penses être l'idéal d'une femme? Ben. Mais je blague pas. Ça vaut pour tout le monde, les amis. C'est vrai. Non, mais par exemple, voilà, moi, j'en raconte assez. Mon fantasme absolu, c'est Scarlett Johansson. Mmh. Ouais. Si j'étais là à ne m'arrêter sur rien et que je disais ça, mais après, vous croyez quoi? Vous croyez que Scarlett Johansson, elle se réveille le matin en imaginant en perfection, c'est ma tête? Ben, on sait jamais. Il y en a d'autres. Peut-être. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson avec des autres acteurs américains très beaux. Vous croyez vraiment qu'avec la tête que j'ai, elle se réveille en disant ce serait ça mon idéal? Mais non, il faut être honnête, les amis, c'est ton idéal. Il faut aussi te dire que tu seras pas l'idéal de cette fille-là. Mais si, mais mon idéal, moi, il est pas connu, il fait pas du cinéma américain. Mais oui, mais quoi qu'il arrive, la fille idéale que t'as, elle est à la perfection, belle et tout. Et tu crois vraiment que c'est toi ou moi qui serait attiré, par nous? Bah oui, mais pas du tout. Elle est pas forcément à la perfection belle. Elle est comme moi, j'imagine. Mais oui, mais c'est la perfection, si tu frises la perfection, mais... Mmh. Oh là là là là. Mais... Je vous jure. Oui, Laure. Non, mais je te rejoins, parce qu'en fait, il faut faire le deuil de son idéal de quand on était enfant. Parce que son idéal, c'est pas forcément ce qui te convient. Les amis, sinon aujourd'hui, je serais avec Lara Croft. Non. Ouais, non, mais déjà, et moi, mon mec, il serait avec Gwyneth Paltrow, alors imagine. Bah oui, c'est pas. Je serais mal. Pour toi, c'est Gwyneth, mais pas trop. C'est Gwyneth, mais pas trop, non. Non, mais en plus, c'est Gwyneth vite fait. Juju, c'est pas du tout mon idéal à la base. Mais franchement, c'est l'homme qui me faut. C'est celui qui me convient. Eh ben voilà. Voilà. Oui, tu peux pas rechercher l'idéal parce que tu ne seras pas l'idéal. C'est comme quelqu'un qui dit moi mon idéal c'est quelqu'un qui ressemble à Monica Bellucci. Je te parle pas de Monica Bellucci, mais une femme qui est très pour très Monica Bellucci, tu crois vraiment qu'elle finirait avec Camille Combal ou Clément Lincruste? Mais non, parce que elle finirait avec un des gars qui fait les Marseillais à Miami. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vrai beau gosse. Mais non, mais j'ai raison, non. Pauline. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Si t'es en pas fait. D'accord, c'est pas grave, quitte ce studio. Tiens, il y a Aurélie, il y a Fred. Je vais prendre un garçon, vous êtes très nombreux, hein, au 3916. Aurélie, Fred, pardon, on s'emporte, mais est-ce que je dis une bêtise? Aurélie et Fred. Ah, moi je suis d'accord avec toi, effectivement. Aurélie. Ouais, non, moi je dis, il n'y a pas d'idéal, il y a ce que tu trouves et ce qui existe. Aurélie, on sent que tu pètes la forme en tout cas. On sent vraiment. Non, non, il n'y a pas d'idéal, il n'y a que des gros cons. Elle n'en peut plus, Aurélie. Ma belle, selon toi, pourquoi t'es célibataire? Alors, on vous a rappelé, hein, vous êtes tous les deux célibataires. Pourquoi, selon toi, t'es célibataire, ma petite Aurélie? Bah, parce que d'une part, comme tu peux le constater, je suis hyper positive, et puis surtout, bah, j'ai toujours raison en fait, quoi. Donc, il n'y a pas moyen de négocier, c'est moi qui ai raison, et puis c'est tout. Bah. Tu sais, Aurélie, moi je dis toujours quelqu'un à cette équipe, j'ai toujours quelque chose, pardon, à cette équipe. Je dis, j'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort. Oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est où je suis à peu près pareil. Et bah, tu vois, si j'étais célibataire, on était fait pour se rencontrer. Oh, quelle tristesse, que ben tu oui. Ne sois pas. Ben oui, mais je suis surpris. Fred, mon bichon, selon toi, pourquoi est-ce que t'es célibataire? Sois le bienvenu, poteau. Eh ben écoute, selon moi, en fait, tout simplement, quand je me rase, finalement, il y a toujours les poils qui restent dans le lavabo, puis ça traîne, une, deux semaines, enfin voilà. Enfin, c'est bien un truc que, effectivement, je pense de célibataire, voilà, je fais pas attention, quoi. Ouais, se raser, laisser un peu des poils dans l'évier, c'est un truc de célibataire. Deux semaines, c'est un truc de gros dégueulasse. Ouais. Deux semaines, on passe le cap du juste célib, ça l'excuse pas tout, hein. Ça l'excuse pas tout quand même. Non, je pense que je suis célibataire parce que c'est vrai que j'ai jamais tiré la chasse en 4 ans. Puis bon, bah, c'est vrai que. Voilà, dans mon frigo, bon, bah, il y a des légumes qu'on reprit vite, hein. Tellement ça fait longtemps qu'ils sont là, hein. Ouais, c'est pas faux. Mon petit Fred, je t'embrasse très très fort en tout cas. Vraiment, merci d'être là. Aurélie aussi, restez avec nous. Vous voyez, cette émission, c'est la vie. On n'est pas toujours d'accord, non, mais on se respecte, mais tout oui. Simplement. Monica Bellucci qui sera attirée par Clément ou moi. Non mais n'importe quoi. Les amis, restez avec nous. On va écouter Ginger Snake. Le débat n'est pas fini. Pendant les infos, j'ai l'impression qu'on va continuer de s'échapper. Ouais, ouais, ouais. Allez, il est 8h. Je vous souhaite encore un excellent réveil à tous. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une belle journée pour débuter la semaine. Ce sera un ciel assez dégagé ce lundi sur l'ensemble du pays. À peine quelques nuages sur la pointe bretonne et le Cotentin. De belles éclaircies partout ailleurs. 20 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon et 24 à Marseille. Vos déodorants sont-ils dangereux? Une étude scientifique publiée par le Journal international du cancer montre un lien entre le sel d'aluminium et le cancer du sein. Le sel d'aluminium est présent dans 9 déodorants sur 10. Le journal Le Parisien liste ce matin tous les composants à éviter dans la vie quotidienne. Des shampoings, certaines lingettes pour bébés, dentifrices et autres désinfectants. C'est la journée mondiale de la contraception. Aujourd'hui, 7 femmes sur 10 ont recours à la pilule pour ne pas tomber enceinte. Mais il existe beaucoup d'autres moyens de contraception comme l'implant, le stérilet, le patch, le préservatif ou encore l'anneau vaginal. Pour plus d'informations, le site choisirsacontraception.fr. Les médecins appelés à la grève aujourd'hui dans les hôpitaux. Une grève pour protester contre leurs conditions de travail. La ministre de la Santé a déjà présenté l'an dernier un plan de 250 millions d'euros pour les médecins hospitalier, mais jugé insuffisant par les syndicats. Retour au calme à Valence dans la Drôme. Le centre pénitentiaire valentinois a été le théâtre d'une mutinerie. Hier soir, 2 surveillantes étaient blessées, 3 autres choquées. Le calme est revenu avec l'arrivée des équipes régionales de sécurité. François Hollande se rend à Calais ce matin. Déplacement de quelques heures sur fond de polémique quant au sort des milliers de migrants qui attendent leur évacuation. Le chef de l'État a redit ce week-end sa volonté de démanteler la jungle de Calais. C'est le grand jour pour les candidats à la présidentielle américaine. Hillary Clinton, 68 ans, face à Donald Trump, 70 ans. Les deux candidats s'affrontent ce soir lors du premier débat télévisé à 6 semaines du scrutin. Un débat à suivre à partir de 3h la nuit prochaine sur iTélé. Snapchat change de nom, il faudra désormais parler juste de Snap. Le réseau social va aussi lancer ses premières lunettes connectées, les spectacles avec une caméra pour saisir des vidéos de 10 secondes. En foot, la fin hier soir de la 7e journée de Ligue 1. Marseille s'est imposé 2-1 sur Nantes. Deuxième victoire de la saison pour l'OM qui s'éloigne de la zone de relégation à la 13e place ce matin. Nice a repris la tête du championnat en battant Nancy 1-0. Saint-Etienne, Lille 3-1. Il y avait aussi les deux dernières rencontres de la 6e journée du top 14 en rugby. Montpellier a écrasé Brive 42-13. Toulon a battu Clermont de justesse. Score serré de 23-21. La Rochelle domine le tableau ce matin. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil avec nous. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Allez, bientôt 8h05, les amis. Vous êtes sur Virgin Radio comme chaque matin. Si nombreux, un grand merci à vous de nous avoir rejoints. Hein, vraiment, depuis bientôt 3 ans qu'on est là. Voilà, 6h, 9h avec Laure, avec Clément. Bonjour. Avec Popo du Standard. Vous qui êtes en voiture, je le sais, en train de partir bosser. Vous qui êtes en voiture pour déposer les enfants à l'école. Soyez prudents. En tout cas, j'ai un énorme chiffre à vous donner. Oui. Ce sera dans un instant. On a du pop rock électro qui arrive aussi. DJ Snake, Let Me Love You. Laisse-moi t'aimer rien qu'une nuit. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est la version moderne. Les amis, il a rien inventé, DJ Snake. Hein. On va le lire. Prends du Mike Brandt et c'était Mike Brandt. Oui, je crois. Bien sûr, Mike Brandt, il a inventé Let Me Love You et le Bass Jump. Oh. Camille, les amis, restez avec nous puisque tout de suite, c'est important, Clément. C'est la question de ouf. Question de ouf. Eh oui, la question de ouf, les amis, c'est vous qui nous faites rire chaque matin en laissant vos messages 01 84 07 08 09. Vous avez eu tout le week-end là pour répondre. Et la question ce matin, c'est quoi les pires questions à un entretien d'embauche et qu'est-ce qu'il faut répondre surtout? Alors moi, c'était quels sont vos plus gros défauts? Franchement, vous voulez vraiment que je vous dise que je suis tout le temps en retard et de mauvaise humeur? Quelles sont vos prétentions salariales? Bon, donnez-moi 20 000 euros par mois, ça ira. C'est quoi la différence pour vous entre un travail et un métier? Aucune. Quoi qu'il arrive, il faut se lever pour venir bosser. Pourquoi devrait-on vous engager? Parce que je fais des colliers de trombone à merveille. Et le travail en équipe, vous en pensez quoi? Bah rien, j'aime pas les gens, mais bon, on va faire avec. Quels sont vos passe-temps? Bah qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux venir faire ton footing avec moi le dimanche? Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Bah ton avis, parce que j'ai besoin de thunes, pas pour le plaisir. Vous avez une fille et vous allez faire comment pour la faire garder si elle est malade? Bah écoute, je sais pas, je l'amène avec moi au travail, non? Ça te convient? Et si on vous demande de travailler le dimanche, ça ne vous dérange pas? À peine, j'ai que ça à faire le dimanche. Question de ouf. Merci à vous tous de jouer le jeu chaque matin. Prochaine question de ouf, c'est demain, bien sûr, à la même heure sur Virgin Radio. DJ Snake, Let Me Love You, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite encore un très bon réveil dans le Virgin Tonic. This is Justin Bieber. DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. aujourd'hui, début de semaine pour tout le monde. J'espère que tout va très très bien pour vous. Ah, je suis sûr que cette semaine va bien se passer, vraiment, vraiment. Merci en tout cas de démarrer vos journées avec nous chaque matin, plus nombreux. Les amis, c'est le Virgin Tonic et je vous parle d'un chiffre depuis tout à l'heure. Oui. L'équipe, vous qui m'écoutez, peut-être en voiture, peut-être à la maison, un chiffre, un sondage. Mm-hmm. Ah ça, j'ai trouvé ce week-end, je voulais vous en parler. 37% des enfants se perdent volontairement dans les rayons des supermarchés. Eh oui. Eh oui. Alors que ce soit clair. Évidemment qu'il faut faire attention quand on entend le petit Gaëtan, il demandait qu'est-ce qu'il y a entre le petit Gaëtan, sa maman l'attend. Voilà, alors en général, on apprend qu'en fait, près de la moitié des enfants qui se perdent dans les supermarchés, c'est fait exprès. Bah oui. Et en fait, ils veulent, voilà, arpenter, peut-être aller au rayon BD pour lire des BD, je ne sais pas. Nico du bureau, toi qui es papa. Oui, ben moi, ma fille, maintenant, elle va directement au rayon glace parce qu'il y a les glaces Reine des Neiges avec juste un bâton avec un cœur dessus. Et elle va direct là-bas, même s'il n'y a pas de glace Reine des Neiges, tu sais qu'elle va au rayon glace direct. Exactement. Donc tu sais que tu la retrouves au rayon glace. Ouais, ouais, et c'est son rayon préféré d'ailleurs. C'est quoi votre rayon préféré? Alors, pas enfant, hein, parce que enfant, voilà, c'est souvent les glaces, les galettes ou les BD. Votre rayon de supermarché préféré. Tiens, je vais vous demander l'équipe, réfléchissez vous aussi. Vous êtes très nombreux, standard au 3916. Je vous prends au téléphone dans un instant. Ben non, même maintenant, je prends Cédric. Tiens, salut Cédric. Salut Camille. Cédric, mon poteau, reste avec nous. Réfléchis, dis-toi. Quel est mon rayon? J'adore. Mon rayon de supermarché préféré, Laure. Moi, c'est le rayon produit du monde. J'adore. Je voyage. Il y a des trucs hyper originaux et tout. Et moi, quand je cuisine, j'aime bien voyager, tu vois. J'avoue que je l'aime bien, ce rayon. Ouais, ouais. J'adore. Il y a de la papaye. Ouais, il y a Old El Paso. Il y a tous les trucs chinois. J'adore. J'adore, j'avoue. Suzy Wan. Suzy Wan. Bien sûr, on connaît. Bien sûr, on connaît. Yumi. Oui, comment? Yumi. Merci. Non. Mais en vrai, j'aime bien ce truc. Il y a les tortillas, il y a les chips un peu exotiques, là. J'aime bien aussi, Clément. Je m'étais jamais posé la question, mais je dirais lessive. C'est là où ça sent le meilleur. Ah, j'adore. C'est là où je passe le plus de temps à sentir. Je n'ai pas de marque attitrée, donc je les respire tous et j'aime bien. C'est vrai que c'est un endroit où ça sent. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Cédric, t'aimes quoi, toi, comme rayon? Alors, moi, j'adore tout ce qui est gadget et du coup, c'est le rayon voiture. Est-ce que j'ai cru qu'il allait dire le rayon X, du coup. À dénicher. Le truc qui te sert à rien, mais tu veux le prendre quand même si tu l'utiliseras pas. Ouais. Ouais. Ah, mon pote, mais on est fait pour être pote, hein. C'est ma vie, ça. Là, je vous jure, il n'y a rien que j'aime plus que de me retrouver dans un feu vert en Euroto ou au supermarché au rayon auto et regarder et dire ce petit ventilo sur allume-cigare, est-ce qu'il améliorerait pas mon quotidien de dingue? Ah, je vous jure, j'adore. Je suis comme toi, Cédric, hein. Mais c'est exactement ça, c'est des trucs que tu vas pas t'en servir, mais il te le faut absolument. Ah, je te jure. J'ai un autre truc, tiens, je suis sûr que tu vas être comme moi du coup, Cédric, le rayon DVD. Ah oui. Ah, mais histoire juste de voir s'il y a des nouveautés ou même des vieux films. Ouais, ouais. C'est vrai que pour le coup. Je fais pire, hein, c'est pas bien. Moi, je note les films que je dois télécharger en rentrant. Ah là là. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ça te retient, hein. C'est bah ouais. Bah oui, c'est une bonne idée. Pauline au standard. C'est pas bien, mais c'est malin. Moi, mon rayon préféré. Merci Pauline. La petite conclusion. C'est le rayon salle de bain. En fait, où il y a tous les nouveaux shampoings. Et là, carrément, il y a des trucs. Rayon cosmétique, les gels douche, tout ça. Exactement. Genre tout. Mais moi, c'est vraiment les shampoings. Donc ceux qui blondissent, ceux qui font du volume. Et maintenant, il y en a, ils font un effet gloss. C'est comme ce que t'as sur les lèvres. Mais en fait, ça te le fait sur les cheveux. C'est-à-dire qu'ils sont hyper volumineux et je sais pas, ils scintillent, quoi, tes cheveux. Ah, c'est génial. Ouais. Ah ouais. Bah, nous, les mecs, on est assez sommaires, hein, là-dessus. Ouais, hein. On peut se laver les cheveux avec du détergent. Ça n'a pas aucun problème. Oui, Clément. Non, mais tu peux te tromper et prendre un truc un peu coloré. Ça te colore pas les cheveux. Genre, moi, je me suis lavé pendant un mois avec un truc cheveux rouge. C'est fait pour les cheveux rouges, mais ça lave. Et moi, j'ai pris un shampoing qui donne du volume. J'entends pas mieux. Hein. je pensais que j'entendrais hyper bien la musique et tout. Rien. Ça a pas fait monter le volume des enceintes. Tiens, Nico du bureau. Est-ce que c'est le rayon bureau, ton rayon préféré? Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je suis à fond sur le bureau tout le temps? Bah non, mais genre, Laure, elle me dit, ouais, tu vas chez Office Depot le week-end et tout. Pas du tout. Parce que moi, j'y vais. Non, c'est quoi ton rayon préféré? Non, moi, ça serait plutôt. Moi, j'ai le rayon céréales que j'aime beaucoup aussi. Ah, ouais, Le rayon céréales, parce qu'effectivement, il y a toujours des petites nouveautés. Tu dis, est-ce qu'il y a les paquets de 500 grammes avec le format familial, surtout sur les chocs à pic? C'est quand même. Puis il y a plein de choix, quoi. T'es là à dire, non, je crois pas en toi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Oui, Laure. Ce qui est cool dans Mont-Leclerc, c'est qu'il y a un rayon céréales du monde. Ah, ouais. C'est-à-dire, le meilleur produit du monde est céréales. Et il y a des céréales américaines, mais genre folles. Genre quoi? Genre le truc coûte 12€ le paquet, c'est scandaleux. Ah, il faut venir importer et tout. Il faut venir et tout, et t'as genre des espèces de petites billes de toutes les couleurs, des trucs chimiques horribles, mais je vois tout à fait Clément. Il y a de moins en moins de jeux dans les céréales. Je lance un coup de gueule, il y a de moins en moins de jeux et de plus en plus de céréales. Qu'est-ce que tu veux, prends des céréales normales, puis tu regarderas Slam sur France 3. Tu regardes les deux en même temps, tu feras un jeu en même temps. Elodie, ma chérie, ton rayon préféré à toi, c'est quoi, ma belle? Bonjour.

Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et une belle journée pour débuter la semaine avec de larges éclaircies ce lundi sur l'ensemble des régions. Des nuages uniquement sur le Cotentin et la pointe bretonne. Côté Mercure, vous aurez 17 degrés cet après-midi à Cherbourg et à Brest. 18 à Lille, Compiègne et Colmar. 19 à Strasbourg, 20 degrés pour Paris, Rennes, Limoges et Chambéry. 21 à Nantes, Valence, Biarritz et Castres. 22 à Bordeaux et à Lyon. 24 attendus à Marseille, à Nice, à Perpignan et Ajaccio. Et la maximale, ce sera 25 cet après-midi pour Nîmes et pour Montpellier. Très bon réveil. Aujourd'hui à la télé, ne manquez pas, à 14h, Jacqueline découvre un one-man show hilarant. 18h, Michel ne manque pas la reprise du championnat. On y va les petits, on y va. 20h, Kim voit son candidat favori échouer en finale. Non mais je rêve là. Et à 23h, Lucas se fait spoiler sa série préférée. Oh non. Avec Téléloisirs, ne passez pas à côté de vos passions. Téléloisirs nouvelle formule, c'est un grand dossier de décryptage, 8 pages coup de cœur et toujours le meilleur des programmes. Tous les lundis en kiosque. Téléloisirs, toutes vos émotions sont au programme. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Kooms, DJ Snake, LP, Calvin Harris, Sia Venner, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Envoyez demain au 74567 pour connaître la date de la rencontre qui changera votre vie. Demain au 74567. Où le rencontrerez-vous? Envoyez demain, D-E-M-A-I-N, au 74567. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop. Rock. Électro. En image. Hi, it's Taylor Swift. Salut, c'est Chaka Ponk. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Retrouvez-nous. Découvrez mes clips. Regardez mes clips. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% music. Virgin Radio TV. Rock. Electro. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Soyez les bienvenus, les amis. Camille Combal, Virgin Radio, puis toute l'équipe. On est tous ensemble chaque jour à vous de payer ce loyer. Je sais que c'est vous qui êtes peut-être pas encore arrivé au travail, pas encore déposé les enfants à l'école. Je sais que c'est un rendez-vous important pour vous. Pour nous aussi, hein, puisque voilà, avec un SMS seulement, loyer au 7-12-13, c'est important. Il faut écrire loyer, puis il faut bien me laisser votre numéro de téléphone. Avec ce SMS, vous pouvez toutes les heures avoir votre loyer de rembourser. C'est le plus beau cadeau. Hein, toute radio confondue. On va y aller, c'est parti. On a déjà offert des très très beaux cadeaux puisqu'on est à 2000 euros de loyer offert à 6h20. On le réembrasse. On a eu Charlie Menuisier et puis Nathalie, il y a une heure, maman au foyer dans les Pyrénées. On lui a payé son loyer, 2000 euros. Un dernier tirage. Allô ? Bonne chance à tous. Allô ? Allô ? Allô, qui est là ? Oui. Ben voilà la chanceuse du jour. Oui. C'est quoi ton prénom ? Cécilia. Cécilia, ma belle. Tu viens d'où ? Marseille. Marseille. Ben, notre premier gagnant de 6h20 était déjà de la région marseillaise. Ma petite chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, je suis content. Tu fais quoi à Marseille, ma belle ? Je travaille dans un laboratoire d'analyse sensorielle. Un laboratoire d'analyse sensorielle. J'ai l'impression d'être dans un film avec Tom Cruise. C'est clair. Ça correspond à quoi ? En fait, on fait tester des produits qui sont pas encore commercialisés ou qui doivent être améliorés sur le marché. Ah, les fameux trucs, des crèmes solaires, des choses comme ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, très bien. Et ça se passe comment ? Il n'y a jamais de problème ? Bah si. Non, il n'y a jamais de problème. Pour les mains, il n'y en a pas. Bah, ça dépend ce qu'on teste, hein, Clément. Ouais. C'est-à-dire que ton métier, tu te mets de la crème, tu te mets au soleil et t'attends toute la journée ? Non, nous, on fait tester sur des consommateurs comme vous. Ah ouais ? Ah. D'accord, pour que ce soit prêt le jour même. Oui, Laure ? Je l'ai fait quand j'étais jeune pour gagner des sous. J'ai une allergie de l'au-delà. Ah bon, à quoi ? Mais un truc, à une crème. Eh ben oui, mais justement, c'est justement pour résorber ça. Mais c'était bien payé. Ouais. C'est bien payé comme truc, non ? Ouais, des bons d'achat, c'est payé par des bons d'achat et c'est payé avec les produits. On laisse les produits aux consommateurs. Ah d'accord. Donc si vous faites une allergie aux produits, vous pouvez partir avec. Donc c'est quand même un bon business plan, je trouve. Cécilia, ma belle, il est de combien ton loyer ? Il est de 1300 euros. 1300 euros. Eh ben tu sais quoi, ma belle, on t'envoie le chèque dès cet après-midi, d'accord ? Ah ben en tout cas, merci. Vous êtes géniaux. Je vous écoute tous les matins. J'adore votre équipe. Vous êtes au top du top. T'es gentil. T'as écouté direct ou t'as fait d'abord essayer quelqu'un pour toi, savoir si c'était bien et ensuite t'as essayé ? Non, j'ai essayé direct. Ah, attends, non, ma chérie, on t'embrasse très très fort. Et c'est énorme, hein, ce matin, en 3 tirages au sort, c'est un très gros chiffre, puisque voilà, on est très heureux de ça. Nous, plus on fait des gros chèques, plus on est content. 3 300 € de loyer remboursé ce matin, et ce sera comme ça aussi demain, 6h20, 7h20, 8h20. Loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. On s'écoute le nouveau SIA ? Ouais ! The Greatest ! La meilleure, c'est ça ? Oui, ouais. La meilleure, SIA, voilà, c'est le tout nouveau. On l'écoute, bienvenue sur Virgin Radio. SIA. Hi, this is SIA. Vous allez l'entendre partout. Go. Mais la première radio qui vous l'a joué. C'est Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous. Bientôt 8h30 les amis, je sais, voilà, vous êtes nombreux en voiture, dans les transports, puis encore nombreux aussi à la maison. Prudence, prudence. Et puis voilà, le lundi c'est jamais très simple. On est là en tout cas pour vous donner beaucoup de courage à vous tous, avec l'équipe. Oui, oui. Yeah. Ah, tiens, on va jouer tous ensemble. Okay. Ouais. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au tac au tac. Ah ouais, ah ouais, c'est bon. Le principe est simple, je vous donne un mot, ouais, d'accord, mmh. Et à ce mot, vous devez tout de suite réagir et me dire la première chose à quoi ça vous fait penser. Okay. On va jouer aussi avec vous, bien sûr, hein. C'est vrai que cette émission, c'est la vôtre au 3916. Tiens, Elsa, tu veux jouer avec nous ? Ah oui, coucou tout le monde. Salut, salut Manel, merci d'être là avec nous. C'est parti, on joue au tac au tac. Attention, je vous donne un mot et donc réaction tout de suite. Elsa, ma belle, tu es prête ? Oui, prête. On va faire un ordre très simple, on va faire Pauline, hmm, puis Clément, puis Laure, puis toi Elsa, d'accord ? Okay, ok. On ne doit pas dire le mot des copains. Si un mot, okay, a été dit, on ne donne pas le même. Attention, okay. Premier mot, Pauline, t'es prête ? Oui. Mensonge. Mon ex. Politique. Ado. Elsa. Troscan. Troscan. Mais non, DSK, Dominique Strauss-Kahn, c'est ta réponse. Ce sont ces. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est le premier truc qui vous traverse la tête. Pauline, mensonge ton ex. Ah, quel gros mytho. Clément, politique. Bah oui, c'est les menteurs, ouais, évidemment. Mais alors, Clément, il met un coup de pierre à un fourmilière. En tant que maire de Pouzeau, je me permets. Bien sûr. Et toi, Malor ? Bah, les ados. Les ados, ouais, c'est vrai. Bah, une maman, c'est les ados. Voilà. Bien sûr. Attention, on y va avec un second mot. On fait le même ordre. J'ai bien aimé cet ordre. Attention. Top, canapé. Bâche. Console. Poêle. Frites. Alors, canapé, frites. Bah oui, sous le canapé, il y a des frites. Ouais. Non, mais en vrai, c'est ça. Tu manges souvent dans le canapé, ça. Donc tu retrouves des frites. Ok, Laure, t'as répondu quoi? Poils, parce que sur le canapé du bureau, on peut plus s'allonger, il y a trop de poils de chien. Il y avait des poils de mon chien, bah, c'est vrai. Oui, Clément. Moi, j'ai dit console, parce que c'est là où on console. Non, c'est juste là où on joue à la console. Console, c'est marrant que la différence entre les mecs, les filles et tout. Bah, oui. Oui, Pauline, au standard, t'as dit quoi? Moi, bâche, parce que je suis obligée de le bâcher quand je m'en vais, avec un truc en plastique. Ah, parce que mon chat pisse dessus. Donc tous les jours, il faut que tu mettes une bâche dessus. C'est du cuir et ça l'excite. Oui bon ça va, c'est du cuir l'autre. Non, château d'Axe. C'est l'odeur. Ça l'excite. Mmh. Eh ben la pression de monter une vache. Oui exactement. Parce que tous les canapés ont été une vache un jour. Et oh. Oui c'est la vérité. Attention les amis, je cassais l'ambiance avec. c'est la vérité. Attention très vite les amis, on garde le même ordre. Pauline lundi. Réveil. Soleil. Dur. 80 fois. Elsa, c'est la plus drôle de tout. Hein. Dur, bien sûr. Réveil le lundi, on remet le réveil. Toi, Clément, c'était soleil, justement. Le lundi au soleil. Et Claude François de Elsa, ma chérie, tu nous as beaucoup fait rire. Je t'embrasse très fort. Et moi aussi, plein de bisous, le chéri, je vous adore. Des bisous, ma belle, t'es un ange. Il faut jouer plus souvent au tac au tac. Ouais, c'est trop. Oh là là, bienvenue à vous tous, les amis. C'est parti, un point sur l'actu. Avec tous nos journalistes, ils sont plus de 60 en France à vous préparer l'actu. Et The Amner pour le pop-rock électro. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Bougez pas, c'est Virgin Tonic, vous avez fait le bon choix. Merci de vous réveiller avec nous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, quelques gouttes sur la pointe bretonne, mais dans l'ensemble, ce sera un temps très agréable aujourd'hui sur tout le pays. De belles éclaircies à l'image de la semaine qui restera bien ensoleillée. 20 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon, 23 à Bordeaux et 24 à Marseille. Des détenus ont refusé de regagner leurs cellules hier soir au centre pénitentiaire de Valence. Ils ont dérobé un jeu de clés à un gardien avant de tenter de mettre le feu à des matelas. Des dégâts sur deux étages et deux surveillants blessés. François Hollande attendu à Calais dans les prochaines minutes, un déplacement de quelques heures, le premier de son quinquennat, 5 jours après la visite de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a rappelé ce week-end sa volonté de démanteler entièrement la jungle de Calais. Les médecins appelés à la grève aujourd'hui dans les hôpitaux, ils protestent contre leurs conditions de travail, pour de meilleurs salaires et pour dénoncer aussi la pénurie de praticiens. La grève se poursuivra tous les soirs de la semaine avant une prochaine action le 12 octobre. La publication à 18h ce soir des chiffres du chômage pour le mois d'août. La tendance est à la baisse depuis le début de l'année, mais l'UNEDIC s'attend à une dégradation pour 2017 avec 79 000 chômeurs de plus. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception. La presse en profite pour rappeler qu'il n'y a pas que la pilule pour éviter de tomber enceinte. Il y a aussi le stérilet, y compris pour celles qui n'ont jamais eu d'enfant. Et l'implant introduit sous la peau, totalement invisible et bien remboursé par la Sécu. Il est même gratuit pour les mineurs. Le premier débat, Hillary Clinton, Donald Trump, cette nuit aux États-Unis. Vous pourrez le suivre à partir de 3h la nuit prochaine sur iTélé. Un débat très attendu par les Américains. À 6 semaines du scrutin, l'événement pourrait rassembler jusqu'à 100 millions de téléspectateurs. Snapchat change de nom pour devenir Snap tout simplement. Le site aux 150 millions d'utilisateurs quotidiens va aussi lancer ses premières lunettes, des lunettes connectées baptisées Spectacle et attendues dès cet automne aux USA à $130. Les spectacles sont dotés d'une caméra grand angle pour capter des vidéos de 10 secondes à mettre sur le réseau social. Le foot avec l'OM se rebiffe à la une de l'équipe ce matin. Marseille a signé sa deuxième victoire de la saison, 2-1 hier face à Nantes. L'OM s'éloigne de la zone de relégation à la 13e place du classement. Nice a repris la tête du championnat à l'issue de cette 7e journée de Ligue 1. Grâce à sa victoire 1-0 à Nancy, Saint-Etienne a battu Lille 3-1. Côté rugby, la fin hier de la 6e journée du top 14. Montpellier a pulvérisé Brive sur le score de 42-13, 23-21 pour Toulon-Clermont. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil avec Virgin Radio. Merci à vous tous d'être avec nous, 8h30, passé de quelques minutes à peine. J'espère que vous n'êtes pas trop en retard pour le travail, pour déposer les enfants. L'équipe en tout cas est là, bien sûr. Oui. Chaque matin, c'est un vrai bonheur de redémarrer une nouvelle semaine avec vous. On vous gâte, des pads PS4, des casques Sennheiser, des séjours à La Réunion d'une valeur de 7000 euros à offrir encore. Et on a, alors ça, c'est déjà gagné, mais on n'a pas encore offert un iPhone 7. Hey, les amis, ça fait quand même 3 semaines qu'on vous offre tous les matins le tout dernier iPhone de chez Apple. Inscrivez-vous au 3916. On va jouer avec vous dans un instant. Avant 9h, je vous l'offre, ce téléphone, évidemment. Et puis, avant d'écouter The Avenger, je voudrais vous parler d'une info. Oui. Une info qui est très importante. Hop, hop, hop, je l'ai là. Voilà, je la retrouvais plus, je l'ai ici. C'est une info qu'on doit à un site belge, ouais, qui a été réalisé par des chercheurs. Oui. Sachez que les couples les plus heureux dans leur relation, vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être avec votre chérie, les plus heureux dans leur relation sont ceux qui partagent le plus de photos d'eux sur Facebook. Ah ouais, je suis pas sûr. Ouais. Eh bien pourtant, c'est une étude, Clément. Donc votre avis, vous le mettez sur l'oreille. C'est une étude belge, peut-être qu'en France ça ne marche pas. En Belgique ça marche très bien. Sachez que voilà, plus vous montrez aux gens votre bonheur, plus vous montrez que vous êtes en couple, plus vous montrez que vous êtes avec votre chérie et que tout va bien, et bien plus vous êtes heureux dans votre couple. Laure. Moi je pense à un cache-misère au contraire. Je pense que les gens qui font ça, c'est parce qu'ils sont pas heureux. Et c'est les mêmes qui répondent au sondage qui sont plus heureux que les autres. C'est ça. Tu vois. Ah vous pensez. Ah, ouais, bien sûr. Mais Ginger. Bien sûr. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai mon meilleur ami qui a passé ses vacances d'été l'année dernière avec sa nana. Il a posté plein de photos, tout ça. Cet été ils sont repartis en vacances. 0 photo. Moi, je veux pas dire, mais dans leur couple, ça va pas bien. Ah. Donc, tu penses que quand ça va bien, on met des photos? Tout à fait. Et voilà. Non. Eh ben, moi, je rejoins Ginger. Et je rejoins surtout les chercheurs belges. Voilà, Pauline au standard. Et moi, mon mec, il sait pas se servir de Facebook, donc on est bien embêtés. On est embêtés. Il a pas de Facebook? Si, il a un Facebook, mais pff, il comprend rien. Ouais, il comprend pas du tout, quoi. Même ma mère, elle s'en sert mieux que lui. Mais en même temps, il a 2 ans de plus qu'elle. Hein. C'est sympa. On l'embrasse à Willou, la cartouche. Oui. Il prend, hein, franchement. Il ça prend. Fait combien de temps? Un mois que vous êtes ensemble? Non, ça fait 3 mois. Merci. 3 mois. Profite de lui, ça vous. Hein. Oui, Laure. Moi, je suis hyper heureuse et je mets jamais de photos sur Facebook. Donc, c'est quand même une preuve, non? Une preuve vivante. Et ton mec met jamais de photos sur Facebook et non. Il est hyper infidèle. Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. C'est vrai que je l'ai beaucoup dit ce matin. Je dois sentir un truc qui va pas dans mais votre non, couple. Non, ça va très bien. C'est ça. Ouais. Restez avec nous, The Avenger, We Go Home. Voilà ce qui arrive. Mais avant tout, bien sûr, c'est la réponse à tout. Réponse à tout. Toujours avec impatience ce rendez-vous. On l'adore, bien sûr, quand les enfants répondent à toutes les questions de Clément le week-end. Et ce matin, je leur ai demandé comment faire une belle demande en mariage. Comment il faut faire quand on veut demander quelqu'un en mariage? Bah, tu demandes est-ce que tu veux m'épouser? Bah, on dit est-ce que tu veux m'épouser? Qui c'est qui demande, la fille ou le garçon? Le garçon. Et la fille, elle dit quoi? Elle dit oui. Toujours? Non. Des fois, elle dit non? Oui. Elle dit non, pourquoi? Parce qu'elle l'aime pas. Qu'est-ce qu'il doit faire, l'homme? Bah, tu te mets à genoux. Accroupi. Tu mets à genoux à terre et tu dis, veux-tu être ma femme? Tu penses qu'il faut un endroit particulier ou pas pour demander en mariage quelqu'un? Bah, un endroit joli, quoi. Un endroit joli comme quoi, par exemple? Pas un McDo? Non, pas un McDo. Dans une église. Et y a pas un cadeau qu'on fait avec? Si. Une bague. Une bague comment? Bah, en diamant. Non, un anneau. Dans une petite boîte. Dans une petite boîte? Oui. Une boîte de nuit? Non. Une boîte comment? Une boîte de conserve. Réponse à tout. Ils avaient la bêtise. Ah ouais. Ils avaient la bêtise. Merci de jouer le jeu chaque matin. The Avenger, We Go Home. Excellent réveil à vous tous. C'est le Virgin Tonic. On est loin d'être parti. Hein. On est là jusqu'à 9h avec vous chaque matin. Courage à tous. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. Both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh. Supposed to think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisis. On est là tous les matins, 6h-9h. Et on prend des jingles dans la gueule. Alors on est à fond les amis, vraiment beaucoup de courage à vous hein, qui partez, je le sais, très très nombreux bosser. Vous venez peut-être tout juste de déposer les enfants à l'école. Laure est ici. Yes. Clément Lincrus. Bonjour. La popo. Coucou. Du standard. Tiens, c'est quand les carnets de correspondance, les premières notes à l'école? Les premières notes, il y en a déjà. Mais disons que les conseils de classe, c'est dans un mois et demi. En vacances. Attention, ouais. J'ai dit que Lily, ta fille, on la suivait de beaucoup plus près cette année. Bah ouais, ouais, surtout qu'elle avait 15-6 l'année dernière et que je vois qu'elle est 16 cette année. Oh là. C'est une excellente élève. Il faut pas relâcher. Non. Jamais. Parce que là, elle rentre en troisième. Ça veut dire quoi? On s'amourache. Ouais. On commence à aimer Justin Bieber. Ouais. On est avec les concerts en DVD, les machins. On travaille plus. C'est ça. Lily, on va la suivre de près cette année, je vous le dis. Alors là, vraiment, vous qui êtes maman, papa, je peux vous dire, ici aussi, vous retrouverez de la... Du discipline. De la discipline. Merci. De la rigueur. Lily, si tu m'écoutes, fais pas la maline, ma grande. Tu vas passer une sale année, je te le dis tout de suite. Et puis, c'est l'automne. Ouais. Alors, on en parlait la semaine dernière, c'est depuis vendredi, jeudi ou mercredi dernier. Le 22. Ouais. Depuis le 22. Voilà, on est officiellement dans l'automne. Et je remarquais, on rend tous des fringues. Ouais. Vous savez, on range tous des fringues qu'on adorait et on sait que bah, on leur dit au revoir jusqu'à au printemps, jusqu'à l'hiver prochain. Ouais. Clément. Mon petit Panama, j'aimerais lui dire au revoir. J'avais un petit chapeau cet été en Vendée. Et je suis arrivé à Paris, j'ai dit je peux pas le mettre, je vais me faire vanner. Donc je l'ai laissé et je sais que là, bah, l'automne arrive, c'est terminé, je le reverrai. C'est que... les chapeaux. C'est comme un Roland Garros là, les petits chapeaux un peu classe. Ah ouais. Non, moi j'ai un Bob Perrier. C'est vrai que tu dis au revoir au Bob au Panama. Ouais. On va essayer de chanter une chanson. Allez me chercher Nico Bou, le musicien de l'équipe, et on va essayer de lui faire chanter des chansons. Ah. On va dire tous ensemble au revoir à nos fringues, c'est les fringues d'été, les fringues de printemps. Alors il y a des régions où il pleut un peu plus que d'autres, mais. On les a pas toutes. Tiens, Nico est là. Nico, salut. Bonjour. Nico, c'est le seul qui, quoi qu'il arrive, il vient avec une guitare. Voilà, ouais, ouais. On sépare jamais, je vais aux toilettes avec et tout. Ouais. Bah quoi? Je propose qu'elle choquant. Tu sais, vous avez des potes, ils viennent des fois chez vous, ils ont toujours une petite bouteille de rosé. Ouais. En cas. Lui, c'est, il a toujours la guitare. Il a besoin d'une chanson. Je suis là. Pas de problème. On va dire au revoir, mon Nico. Tu viens d'arriver, je t'explique ce qui se passe. Je me dis, ça y est, c'est l'automne depuis quelques jours. On est en train de renoncer à certaines fringues. D'accord. Tu vois, par exemple, moi, je vous le dis, hein, mes shorts, ça y est, mes shorts, en fait, avant, je les prenais. Je les mettais dans un endroit où je pouvais les avoir. Maintenant, ils sont partis dans les fringues d'été. Je les vois plus. Oui. Donc, on va dire au revoir à mes shorts. D'accord. Ok, donc en James Blunt, quoi. En James Blunt. Ah ouais, en James Blunt. Ouh, au revoir à tes shorts. Tu ne les retrouveras pas avant l'année prochaine. Ouais. Pour toi. On cherche des rimes, hein, réfléchissez à la fringue à laquelle vous aussi vous dites au revoir. Moi, c'est mes shorts. C'est vrai que j'aime bien traîner en short à la maison. Et puis là, ça y est, ça commence à être l'hiver. On a envie d'être en survêt. Laure, est-ce que tu dis au revoir à une certaine fringue? J'espère ce haut. Non, c'est méchant, il est hyper beau. Je plaisante, t'es belle comme tout. J'arrête pas de le dire depuis 6 heures. On peut te faire une blague. Oui, bon, ça va. Moi, je dis au revoir à mes petites sandales que j'aime tellement, avec qui j'ai passé l'été. On a vraiment vécu une grande histoire. J'aurais vraiment à dire au revoir à des copines. Oui, mais parce que moi, mes chaussures, c'est ma vie, tu sais. Donc voilà, si je pouvais, j'aurais une chambre en plus dans l'appartement pour mes chaussures. Elle parle de ses sandales vraiment d'une copine. Genre, on s'écrit, on se donne nos MSN, se whiz. Ouais. C'est assez bizarre. Oui, il y a Nico du bureau. Elles ont un prénom, toutes ces chaussures ont un prénom. Les Pinitas. Les Pinitas. Pourquoi? Ah, ne me demande pas la logique. Je vois la chaussure, je la nomme, il n'y a pas de logique. Est-ce qu'on peut dire au revoir aux Pinitas? Rime en S. Ok. Au revoir mes Pinitas. Ils me font un loup de... Quoi? Ils me font un loup qui me font la classe. Au revoir mes Pinitas. Vous étiez... mes copinas. Sans sas. Tiens, Erika, ma chérie, bonjour ma belle. Salut Camille. Alors, je prends une fille, après j'essaierai de prendre un garçon, mais c'est vrai que les filles, vous êtes beaucoup plus organisées que nous sur les habits qu'on met plus l'été au printemps. Nous, c'est vrai qu'on peut remettre des suites n'importe quand, on veut rien dire. Mmh. Est-ce qu'il y a des fringues, ça y est, officiellement, quand tu sais que c'est l'automne, tu leur as dit au revoir, ma petite Erika? Oui, alors moi, je pense que je vais leur dire au revoir définitivement, c'est les ballerines, parce que je trouve que c'est devenu un peu ringard même. Oh, moi j'aime bien les ballerines. Alors, moi aussi je suis d'accord sur le ringard, mais sauf avec un petit slim, c'est mignon. Mais par contre, à la fin de l'été, il faut leur dire au revoir rapport à l'odeur en fait. Parce qu'il n'y a pas pire que la ballerine. Ah, oui. D'accord. Donc là, c'est plus un adieu quoi. Oui, c'est adieu. Okay. Eh ben écoutez, on y va, Nico. Ouais. Ouh. Adieu mes ballerines qui me donnaient un look coquine. Maintenant, je leur dis au revoir. Je les retrouverai un peu plus tard. Sauf avec un slim où je peux les remettre maintenant. Ça rentre pas. Quand vous entendez James Blunt chez un de vos voisins, genre vous entendez cette chanson là, Goodbye My Lover, c'est où il regarde l'amour est dans le pré, où il est sur le point de faire une boulette. Hein. Il est pas en forme et il va se foutre en l'air. Hein. Faut intervenir très vite. Hein. Adrien, est-ce qu'il y a une fringue à laquelle t'as dit au revoir toi aussi? Coucou Camille, moi la fringue à laquelle j'ai dit au revoir, c'est ma petite chemise en lin blanc avec le petit bouton pour remonter les manches. Là, c'est fini. Moi, je crois que t'as bien fait. Non, l'été. L'été, c'est joli. Quand t'es au bord de l'eau. J'y suis presque allergique au lin. Attention, on y va très vite. Goodbye, goodbye, chemise en lin. Ok. On peut dire quand même que ça se froisse et que c'est chiant à repasser ou pas? Ça y est, on a la chanson. Ok, c'est fait. Goodbye, chemise en lin. Ouais, mais c'est pénible à repasser, ça craint. Je crois que je préfère l'original. Oui, Laure. Mais n'importe quoi, ça se repasse pas une chemise en lin. Ça, c'est fait pour être froissé, c'est ça le lin. Ah. Ouais, mais je sais pas. Bah quoi? Mais non, mais c'est pas joli. Mais ça ne se repasse pas le lin. Mais ça se repasse pas, mais après t'es tout froissé, ça fait pas. Bah oui, c'est fait froissé, c'est le concept. Bah non, mais oui, Pauline, au standard. Mais je suis avec toi pour le lin. Je déteste le lin blanc, j'aime pas. Mais Clément, elle est en lin, ta chemise ce matin? Non, celle-ci, non, mais j'en ai une en lin, elle se repasse pas et je la mets avec mes petites pignettas là et ça. J'aime bien cette petite séquence chanson. Adrien, Erika, je vous embrasse très très fort. Restez avec nous sur Virgin. On écoute les Ting Ting, Shut Up and Let Me Go. Un vrai kiff de rentendre ça. Bon réveil à tous. So, for the last time you will kiss my lips. Now shut up and let me go. Your jeans.

énormément. Sous les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. C'est lundi aujourd'hui pour se réveiller. Bien sûr qu'on est là tous les matins, le Virgin Tonic, pour vous accompagner au taf aussi. Je sais que votre journée a commencé depuis bien longtemps. On est là à vos côtés, 6h-9h, avec toute l'équipe. Yeah, oui. Avec plus de 60 journalistes dans toute la France qui vous ont préparé une actu qui vous concerne vraiment. Ce sera à 9h comme tous les matins. Et puis après, Pierre-Alex qui vous accompagne pour une matinée de pop rock et d'abdos. Ouais. Bien sûr, ça c'est mon Pierre-Alex, évidemment. Il vient de plus en plus tard, Pierre-Alex. Hein. Oui. Faut le dire quand même, on le voit plus, lui il arrive vraiment au début de son émission. Oui, Laure. Il est de plus en plus bronzé. Ah, c'est Pierre-Alex. Ah ouais, ouais. Ah bon, je croyais que c'était Charlie de Charlie Lulu. Alors en fait, autant pour moi, Pierre-Alex arrive très tôt le matin. Les amis, attention, pour ce lundi, on va vous offrir, et ce sera comme ça toute la semaine, on va vous offrir un iPhone 7, le tout dernier iPhone de chez Apple. C'est Mickaël qui va jouer avec nous ce matin. Salut Mickaël. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Mika, je suis très heureux de t'entendre. Mika, déjà je vais te le dire, ça va pas être simple. Le jeu il est pas simple, hein, le pari d'amis. Mais déjà tu peux être content parce que forcément quand on offre l'iPhone 7, je peux te dire au 3916, c'est parmi des milliers d'appels que t'as été retenu. Ah, franchement je suis trop content, ça fait tous les matins j'essaye et franchement c'est trop bien de vous avoir, franchement c'est trop cool. Eh bah, t'es un amour mon pote, mais attention, tout n'est pas gagné. Maintenant, il va falloir que tu fasses le bon pari sur l'équipe. Je vais te poser des questions, tu auras peut-être ou pas la bonne réponse, peu importe. Ensuite je vais te demander de choisir à chaque fois quelqu'un de l'équipe qui a la bonne réponse ou qui n'a pas la bonne réponse. Ils n'entendront rien et quand ils feront leur retour dans ce studio, on saura si tu as bien parié ou pas, d'accord? Ok, ça marche. Tu auras 3 chances si tu as ne serait-ce qu'un bon pari, c'est gagné pour l'iPhone. Les copains, sortez du studio, jingle, ouais. C'est le pari d'ailleurs. Clément, Ginger, Laure, Folie, Nico du bureau. Le pari d'amis, ça y est, ils ont rejoint le couloir de la radio. Ils n'entendent absolument plus rien. Mon Mickaël, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attention. On y va avec une première question. Et vous tous, hein, je sais que vous l'aimez ce jeu, vous êtes en train de jouer avec nous. On va voir s'il fait les bons paris. Quel comédien incarne Sauveur Giordano dans la série télévisée qui s'appelle Sauveur Giordano? Est-ce que tu le sais déjà, Mickaël? Non, aucune idée. Je vais te dire la réponse. La réponse, c'est Pierre Arditi. Pierre Arditi. Je vais te demander de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse dans l'équipe. Mais je peux dire, je peux parier aussi sur quelqu'un qui n'aurait pas la bonne réponse. Ah non, je veux quelqu'un qui ait la bonne réponse. Moi, je veux que tu paries sur quelqu'un qui, selon toi, peut avoir cette bonne réponse. Clément. Clément. Très bien. Paris sur Clément. Attention. Deuxième question, elle est difficile aussi. Dans le conte, célèbre conte de Barbe Bleue, combien de femmes Barbe Bleue a-t-il épousé? Est-ce que tu le sais? Non. C'est 7. Bonne réponse, c'est 7. Les questions sont dures ce matin. Je vais te demander de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. On est sur de la littérature, c'est pas le point fort de l'équipe. Je vais pas te mentir. Je vais dire Pauline. Pauline. Pauline, je rappelle, elle a fait des études littéraires, Pauline. Elle peut s'en sortir là-dessus. Et attention, je vais te demander, dans quel sport est-ce qu'on peut faire un albatros ? Il y a un sport dans lequel on peut faire un albatros. Est-ce que tu sais ? Non, franchement, j'en ai aucune idée. C'est le golf. Dans le golf, on peut faire un albatros. C'est quand, je crois, quand on a beaucoup, beaucoup de coups d'affilée très, très bons. Je crois qu'on fait un albatros, on va vérifier ça. En tous les cas, c'est le golf, c'est sûr. Je vais aussi te demander de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Clément. Clément. On fait re-rentrer l'équipe, c'est parti. Vous nous rejoignez peut-être à l'instant sur Virgin Radio. On joue quand même pour un iPhone 7. C'est un très, très beau cadeau. Bonjour. Pour ce cadeau, il faut que parmi les trois paris que vient de faire Mickaël sur l'équipe... Mickaël, l'équipe oh, Mickaël. Bonjour. Enchanté. Il faut que sur les trois paris qu'a fait Mickaël, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit bon. Ok. Le premier pari, il est pour Clément. Ok. Avec Clément. Clément, le premier pari, le voici. Clément, quel comédien incarne Sauveur Giordano dans la série télé du même nom ? Isabelle Giordano. J'en sais rien, je connais pas les séries. Mais je sais que je le dis souvent, je suis nul en série donc. Clément. Isabelle Giordano. Isabelle Giordano. Non, l'équipe, est-ce que quelqu'un sait ? Oui, franchement. Non, oui. Alors, Ginger ne sait pas, non, Pauline ne sait pas. Tout. Moi, je l'ignorais avant de poser la question. Ouais. Laure, tu aurais dit ? Alain Delon ? Mais pas du tout, Laure. Ah. La bonne réponse. Ah. Et je sais que vous êtes nombreux à la suivre cette série, elle cartonne. Sauveur Giordano. C'est Pierre Arditi, on cherchait la bonne réponse, Clément. Ah, bah je suis désolé, on sait que je suis nul. Écoute, Mickaël a parié sur toi. Malheureusement, c'est un mauvais pari. Il ne lui reste plus que deux chances à Mickaël. Le deuxième pari, il concerne Pauline. Oh. Mickaël a parié sur toi. Après, attention, hein, peut-être que j'ai demandé une mauvaise réponse, donc il a peut-être bien fait de parier sur toi. Je lui souhaite. Hein. Ouais, je le sens bien, là, je le sens bien. Pauline. Ouais. Tu connais le comte Barbe Bleue ? Toi qui as fait des études littéraires. Oui. Dans le conte, combien de femmes Barbe Bleue a-t-il épousé ? Il faut se lancer. Attention, on ne dit rien à l'équipe. On ne dit rien. Je vois qu'il y en a qui ont la bonne réponse dans l'équipe. Je sais plus. Je... Pauline, lance-toi. Je sais plus du tout. C'est hyper vieux. Je l'ai... Combien de femmes Barbe Bleue a-t-il épousé dans le conte ? Il faut se lancer. Allez, allez, allez. Bah, je sais pas, 7. Tu me réponds 7 au hasard. Ouais, 7, une par jour, je sais pas. Qui a la bonne réponse dans l'équipe ? Je sais pas si c'est la bonne, j'aurais dit 7. Ouais, Catherine Dautoir, il l'a pas épousée. J'aurais dit 6. Ah. 6 ? Moi, j'aurais dit 7. Moi, j'aurais dit que j'en ai aucune idée. Bah. Pauline, ouais. Tu réponds 7. Dans le conte, Barbe Bleue a épousé, comme quoi le hasard fait bien les choses, 7 femmes. Ah. Et on cherchait quelqu'un qui est là-bas avec moi. Paulina, hasard complet. Mickaël, iPhone 7 pour toi. Oh là là là là. Et attention, on va voir si tu... Si Pauline avait mal répondu, mon Mika, on va voir si t'as eu la bonne réponse. Le dernier pari était pour Clément. Oui. Clément, dans quel sport peut-on faire un albatros ? Et on cherchait quelqu'un qui ait la bonne réponse. Il a compté sur toi. Clément, t'aurais répondu quoi ? Un albatros, judo. Judo, Laure. Badminton. Le golf. Ah ouais. Oui. Ah, et je vais vous dire. Ah oui, mais c'était dur aujourd'hui, question. Ah, même moi qui joue un peu, mais je savais pas. Ouais, un albatros, c'est en intro. Ouais, c'est quand tu tires direct et que ça rentre direct dedans. Et bah, tu vois, tu aurais pas gagné. C'est vraiment Pauline qui t'a fait gagner ce matin. On peut te réapplaudir, Mika. Bravo. iPhone 7 pour toi. Super. Oh, t'es content ? Ouais, super, super. Ah, je suis heureux. Et je voulais vous dire que vous êtes au top, que je vous écoute tous les matins. Et il y a un auditeur qui vous avait dit un jour, je me rappelle parce que ça m'avait marqué, qui disait qu'il fallait qu'on ait des autocollants sur nos voitures pour prévenir les gens quand ils nous voient en fait rigoler bêtement au volant. Ouais. Alors qu'on est tout seul dans la voiture. Et franchement, il faudrait que vous le fassiez parce que. Mais on l'a, mon poteau. Tu sais quoi, je te l'envoie. je te l'envoie parce que je trouve ça génial et j'ai la chance. Alors vraiment, voilà, je vous dis franchement, j'ai vu plein de voitures cet été qu'on avait et ça me fait hyper plaisir. Et ben, tu sais quoi, je te l'envoie et vous tous, vous pouvez nous le demander sur les réseaux. L'autocollant, c'est je ne rigole pas tout seul, j'écoute le Virgin Tonic entre 6h et 9h. Et ben, je suis très heureux de te l'envoyer, Mika, d'accord? Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Pauline et merci à toute l'équipe. Eh ben écoute, Pauline qui te permet de gagner ça. Et puis quand même on embrasse parce que c'est énorme. Parce qu'on parle de l'iPhone 7, mais tu gagnes le pack Brossard, c'est l'iPhone 7. Et en plus écoute bien, évidemment brownie à volonté, wow. Et ça c'est très sympa de leur part, mais à volonté c'est autant que t'en veux. Et un séjour à Paris pour assister au concert privé, le Big Brownie Party. Ils vont bientôt révéler quel est l'artiste. Tu gagnes en plus un concert et un séjour tout frais payé à Paris. Ouais, c'est top. Eh ben écoute, je suis très heureux. Je suis très heureux pour toi et merci vraiment de ta fidélité, mon Mika. T'es un amour. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis, mon pote. Et on est heureux en tout cas d'être là avec vous tous les matins, 6h, 9h avec l'équipe. On va se retrouver demain. Ciao. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer demain? Une nouvelle fois, PS4 aussi à offrir. Séjour à la Réunion à gagner. Votre loyer à 6h20, 7h20 et 8h20. Évidemment, on vous soigne tous les jours. On vous souhaite encore beaucoup de courage. Un bon lundi. Et puis vous pouvez répondre dès à présent à la question de ouf, Clément. Le mardi, on chante et demain, on chantera ça. Vous chantez Amel Bent. On vous enregistre, on fait un petit montage et on écoutera une version spéciale Virgin Radio. Eh bah très bien, votre version d'Amel Bent. On écoutera ça demain. Bon réveil encore à vous tous. C'est parti, un petit peu d'infos. Et puis Pierre Alex qui va démarrer avec Imani. Et encore merci de votre fidélité les copains. À demain, salut tout le monde. Ciao. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une belle journée pour débuter la semaine. Ce sera un ciel assez dégagé ce lundi sur l'ensemble du pays. À peine quelques nuages sur la pointe bretonne et sur le Cotentin. De belles éclaircies partout ailleurs. 20 degrés cet après-midi à Paris, 22 à Lyon et 24 pour Marseille. François Hollande est actuellement à Calais. Un déplacement sur fond de polémique quant au sort des milliers de migrants qui attendent leur évacuation. Le chef de l'État vient de redire à l'instant qu'il fallait démanteler définitivement le camp de Calais. Nos déodorants sont-ils dangereux? Une étude de scientifiques publiés par le Journal international du cancer montre un lien entre le sel d'aluminium et le cancer du sein. Le sel d'aluminium est présent dans 9 déodorants sur 10. Le journal Le Parisien liste ce matin tous les composants à éviter dans la vie quotidienne, des shampoings, lingettes pour bébés, dentifrice et autres désinfectants. C'est la journée mondiale de la contraception. Aujourd'hui, 7 femmes sur 10 ont recours à la pilule pour ne pas tomber enceinte. Mais il existe beaucoup d'autres moyens de contraception comme l'implant, le stérilet, le patch, le préservatif ou encore l'anneau vaginal. Pour plus d'informations, le site choisirsacontraception.fr. Les médecins appelés à la grève aujourd'hui dans les hôpitaux, ils entendent protester contre leurs conditions de travail. La ministre de la Santé a déjà présenté l'an dernier un plan de 250 millions d'euros pour les médecins hospitaliers, mais jugé insuffisant par les syndicats. Retour au calme ce matin à Valence, dans la Drôme. Le centre pénitentiaire valentinois a été le théâtre d'une mutinerie hier soir. 2 surveillants ont été blessés, 3 autres choqués. C'est le grand jour pour les candidats à la présidentielle américaine. Hillary Clinton, 68 ans, face à Donald Trump, 70 ans. Les deux candidats s'affronteront ce soir lors du premier débat télévisé à 6 semaines du scrutin. Un débat à suivre en direct à partir de 3h du matin la nuit prochaine sur iTélé. Snapchat change de nom, il faudra désormais parler juste de Snap. Le réseau social va aussi lancer ses premières lunettes connectées, les spectacles dotés d'une caméra grand angle pour saisir des vidéos de 10 secondes. Un voyant sera allumé pendant tout l'enregistrement. En foot, la fin hier soir de la 7e journée de Ligue 1. Marseille s'est imposé 2-1 sur Nantes. 2e victoire de la saison pour l'OM qui s'éloigne de la zone de relégation à la 13e place désormais. Nice a repris la tête du championnat en battant Nancy 1-0. Saint-Etienne, Lille 3-1. Il y avait aussi les deux dernières rencontres de la 6e journée du top 14 et du rugby. Montpellier a écrasé Brive 42-13. Toulon a battu Clermont sur le score serré de 23-21. La Rochelle domine le classement. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Pierre-Alex, comme tous les jours jusqu'à midi. Très belle journée à l'écoute de Virgin Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step,

que les temps changent. Il est temps d'aller courir ailleurs, ailleurs, de se jeter dans l'eau du Gange et de s'arrêter pour quelques heures. Tu sais, j'ai besoin de sentir le vent qui nous entraîne au-delà de nos vies, de nos problèmes. Et de savoir que je deviens moi-même. Et dans mes yeux tu le lis. Je te